Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale sur beauté imaginée. Je vais faire ma petite introduction et ensuite Dorothea va chanter pour nous juste après. Pour l'instant, on a Louis et Dorothea qui sont arrivés. Je pense que ça va pas tarder pour la suite. J'introduis. Donc, en ce 9 septembre, nous fêtons la Journée internationale de la beauté. Et pour l'occasion, j'ai demandé à deux duos de venir s'affronter ce soir via leur micro. Et donc, avant le quiz de ces deux duos, on va profiter de la beauté d'une voix, celle de Dorothea. Bonsoir Steven, on a juste Léa qui devrait nous rejoindre dans un instant. Est-ce que toi, Dorothea, tu es déjà prête pour la chanson? Oui. Super. Alors, ça, c'est toi qui commences directement, pression sur toi. On va tous couper nos micros, s'il vous plaît, Louis, Steven et Léa, dès qu'elle sera arrivée. On coupe nos micros et on profite. Alors, est-ce qu'on m'entend toujours? Bonsoir. Alors. Est-ce que voilà comme ça? Non, je sais pas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, pourtant j'ai tout préparé. Ah, ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Steven, tu peux couper ton micro en haut, au milieu. Je suis prête. Je suis désolée. Il y avait un petit. Je vais mettre ça. Toc. Seulement elle savait comment je la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Laisse le temps et pourrait vous donner la chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta mère ce soir. Même si Dorin c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit derrière ce soir. Tous les rois, tout ton fou, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourras lui donner. Et moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit derrière ce soir. Même si Dorin c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'il soit derrière ce soir. Tous les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Même si Dorin c'est pas trop accepté. Bravo Dorothea, merci beaucoup. Ah, très joli. Bravo. Super, merci. Merci. Ça nous met comme ça Merci tout de suite beaucoup. dans une ambiance positive, je trouve. Très belle voix comme d'habitude. Et en plus, on aura la chance de t'entendre à nouveau tout à l'heure. Bon, on va enchaîner maintenant sur notre quiz directement, puisque c'est pour ça que vous êtes présents ce soir. Alors, peut-être qu'il y a un petit compliment d'Astrée. Salut Bravo, Astrée. c'était très joli et un peu différent de la version originale, c'était cool. Ah oui, t'as raison, bien vu. Trop Tu beau. t'entraînes longtemps, Dorothea, avant de maîtriser une chanson? Ou tu la fredonnes et... Bah, je sais déjà apprendre les paroles. Ouais, Bien, c'est sûr. bien les français, parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'habitude de chanter en français, mais oui, quand même, j'essaie de beaucoup. J'écoute beaucoup, en fait. Et Ah oui, je vois. la chanson pour. Mais c'est bien des fois d'apporter une petite touche. Je trouve des fois c'est important aussi d'apporter une touche personnelle et pas à faire copier-coller. Calqué. Ouais, je Quoi. comprends. Voilà. Ouais, bah ça, ouais, ça rend très bien. Et donc là, on t'avait entendu la dernière fois, je rappelle, en russe et en anglais, donc dans le live sur les beautés et tendances russes. Et là, comme ça, on a pu découvrir aussi en français. Alors, du coup, on est ce soir tous ensemble, vous l'avez compris, pour faire un duel quiz beauté. Et pour l'occasion, j'ai donc invité ces quatre invités historiques de beauté imaginée. Ils ont un point commun, ils ont chacun animé deux lives avec moi sur beauté imaginée. Je vous laisse vous présenter peut-être et nous dire quel live vous aviez animé, pourquoi pas celui que vous aviez préféré. Alors, bah, Steven. Yes, ben salut à tous. Que dire, mis à part que je suis Steven. Non, mais j'ai découvert Beauté Imaginée il y a en effet maintenant 2 3 mois, je crois. Ouais. Et du coup, j'ai animé en effet 2 lives. On a animé 2 lives ensemble. Donc un premier sur le stress et la beauté au masculin. Eh Il oui. y a d'ailleurs un premier live qui est sur la beauté au féminin que je conseille à tous et à Oh. toutes. Et un second live qui est sur l'utilisation de la crème solaire et de la réaction de la peau face au soleil. J'ai adoré les 2 lives, pour être honnête. Les deux ont Ah, bah. autant apporté, je pense, voilà, l'un à l'autre. L'un peut-être est plus d'expérience personnelle, tandis que l'autre est beaucoup plus associé à de la curiosité. Donc, voilà. Ok, génial. Et peut-être qui sait que ce soir ce sera ton préféré, hein, avec la Peut-être. compétition. Peut-être, bah, tout à fait. On va voir ça. Bah, merci en tout cas, ça fait plaisir. Et on a donc Louis aussi. Bonsoir Louis. Toi, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Louis, c'est moi, du coup. Je suis maquilleur et du coup, On t'entend j'ai pas super animé. bien, désolé Louis. Je t'interromps direct comme ça après. Si tu peux te rapprocher ou quoi, comme ça après on est tranquille. Là, c'est mieux? Non. Est-ce que c'est que moi? Toujours pas. Non, c'est un problème de micro. Je pense que t'es pas avec des écouteurs ou quelque chose comme ça. Ah ouais, peut-être. Malheureusement, c'est indispensable pour Et pas là, qu'on ait vous l'effet m'entendez mieux ou écho. pas, du coup? Ah oui. Presque. Mmh. Presque. Tu as des Attendez, j'enlève écouteurs, mes Louis? écouteurs. Ouais. On va voir si ça nous fait de l'écho ou pas. Là, vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux, Oui, voilà. complètement. Ce serait dommage qu'on C'était rate ton donc mes écouteurs. introduction. D'accord. Alors. Alors, du coup, moi, c'est Louis et je suis maquilleur. Participer à de live également, du coup, dans ton émission Beauté Imaginée. Un premier live, du coup, sur mon métier de maquilleur et un deuxième live quiz qui était assez sympathique. C'est d'ailleurs Oui. une des émissions que j'ai adoré le plus faire. Ah bah génial, ok. Et on prévoit un prochain live ensemble, pourquoi pas sur la chirurgie esthétique. On Exact. l'avait évoqué cet été, on programmera ça plus précisément. Merci Louis. Alors Léa maintenant. Oui, Bonsoir coucou tout le Léa. monde. Salut. Alors du coup, voilà, moi aussi j'ai fait 2 lives. Donc j'ai fait un premier live sur les peaux à problème, donc un peu acnéique, peau grasse. Et j'ai fait un deuxième live sur les tatouages. Du Tout coup, à moi, fait. celui que j'ai préféré, c'était celui sur les tatouages, parce que déjà, c'est plus actuel. Enfin, la Ouais. cause, mais surtout avant, et puis c'est un bon souvenir. Donc, C'est sûr. les tatouages, c'est récent, donc voilà. C'est plus valorisant de parler de Ouais, tes c'est ça. tatouages. Les Mais c'était objectifs qui gentil. m'intéressent plus. Ouais. Donc voilà. Mais peut-être que celui qui était le plus intéressant pour les gens, peut-être plus celui sur les peaux à problème, on a peut-être appris un peu plus de trucs, mais je sais pas. Ah ouais, je vois. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on a rencontré Dorothea, si je ne m'abuse. C'était sur le live tatouage. De tatouage, Ah oui, bien. Ah, je m'en rappelle pas, mais Oui, c'est drôle. c'était là qu'on avait vu. Dorothea, tu es assez tatouée aussi, donc Ah, mais oui, tu avais c'est vrai, parlé de je l'ai ton vu ensemble. expérience et tout. C'est Et vrai. juste, Steven, c'était sur quel live qu'on s'était rencontré? C'était avant les tatouages, non? Juste avant? Peut-être, je ne saurais dire. Je crois qu'on a fait plusieurs lives. Je pense que tu étais apparu juste avant, de mémoire, mais voilà. Alors, du coup, Dorothea, présente-toi. Chanteuse, bah, déjà. Voilà, chanteuse, bonsoir. je suis tombée sur le live, avec, effectivement, avec Léa, du coup, par rapport à les tatouages. Et puis après, on a fait deux lives. Le premier, c'était par rapport à mon métier de coiffeuse. Ouais. Et le deuxième, c'était effectivement sur le thème plutôt de mes origines, sur la beauté douce et les traditions. Ouais. Donc voilà, après les deux j'ai beaucoup aimé parce que bah, les deux je peux pas choisir je pense à beaucoup apporter aux gens aussi et puis je sais pas, je peux pas choisir pour moi qui était mieux, qui était plus intéressant, je pense les deux ils étaient quand même, mais peut-être sur la beauté russe peut-être parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît. Et... Oui, c'était original, vraiment. Voilà, donc c'est... Et tu avais chanté. Voilà, et en plus j'ai chanté. Et moi, c'est là que j'ai découvert que c'était trop cool de glisser de la musique comme ça, c'était vraiment bien. Donc, ouais. Alors, du coup, ce soir, vous allez donc vous affronter deux par deux. Alors, c'est les auditeurs qui avaient défini les duos sur Instagram. Vous le savez, il y a donc Louis et Léa. Oui. Et d'un autre côté, Steven et Dorothea. Et sur Instagram, toujours, vous avez été nommés, hein, donc les L au carré pour Léa et Louis. Et c'est Steven, d'ailleurs, qui a donné l'idée. Et Stevofea. Stevofea, ça va être un peu plus compliqué à dire. Et là, c'est donc pour Steven et Dorothea. C'est Astrée qui avait eu l'idée. Et toujours sur Instagram, j'ai demandé qui pensait voir gagner le duo L au carré, qui pensait voir gagner Stevofea. Et bon, les votants ont plutôt parié sur L au carré. Mais bon, ça ne veut rien dire. Et Stéphane, du coup, c'est à vous de leur démontrer le contraire. Bien sûr. C'est pour les deux, le meilleur qui gagne. Ah, d'accord. Merci. Est-ce que vous êtes prêts, du coup, à vous affronter? Oui. 200%. C'est parti. Alors, je précise quand même que dans chaque duo, il y a un professionnel hein, de la beauté et un consommateur. Donc, finalement, c'est assez équilibré. Et bien sûr, dans tout bon combat, il nous faut un enjeu. Je pense que vous êtes d'accord. Oui. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, la dernière fois qu'on avait fait... Oui, tout à fait. Qu'on avait fait un duel, c'était le 2 juin. Et il opposait du coup Louis et Astrée. Et Astrée avait gagné. Et Louis avait eu comme gage, tu te souviens, de faire une vidéo dans laquelle tu citais trois qualités d'Astrée. Et tu l'avais tout à fait bien réalisé. Alors, je vois qu'on a un commentaire d'Astrée. Je le joue avant de dévoiler. Bon, moi, je pense que du coup, L au carré va gagner. Parce que je ne sais pas. C'est mon intuition. Il faut prendre des paris, là, je pense. Ouais. On verra, Astrée. Du coup, l'enjeu ce soir, pour le duo qui perdra le duel pour cette journée internationale de la beauté, c'est de, avant demain soir minuit, écrire un poème en hommage au duo gagnant. Oh, wow. Alors, attendez. Un poème de 5 vers minimum. Et avec des rimes. Donc, je pense que 5 vers, ça peut se jouer à 2. Vous pouvez peut-être trop réussir. Oh là là. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, ça vous inspire ou ouais, on va dire que c'est super pour le travail d'équipe, tu vois, ça c'est bien. C'est ça. Oui, c'est digne de team building. Ouais. Exactement. Alors du coup, pour ce soir, on va avoir deux manches. Une première sur les connaissances beauté et une deuxième appelée, donc les auditeurs vous imaginent. Il y aura aussi des points à gagner dans cette manche-là. Et chers auditeurs, vous pourrez deviner à quel invité correspond une anecdote de vacances, en fait, que je vous donnerai. Donc, on a Astrée. Même si j'avais battu Louis à plate couture. Plate couture, bon, c'était... ouais. Mais ouais, c'était... C'était assez... Il y avait pas mal de suspense jusqu'à la fin. C'est ça qui était cool. On va voir si ce soir, c'est la même chose. Donc, pour cette première partie, en tout cas, ce que je vous propose comme consigne, c'est que je vais d'abord poser à chaque duo une question. Pendant ce temps-là, l'autre duo pourra couper son micro, en fait, pour ne pas donner d'indice et pour qu'on s'entende bien. Parce que c'est vrai que là, ce n'est pas forcément évident de tous s'exprimer en même temps. Et du coup, ensuite, ce sera au second duo de répondre à une question pendant que le premier coupera son micro. Donc, ce ne sont pas les mêmes questions. On va commencer, si ça vous va, par L au carré. Allez. Ouais, très bien. Des questions avant Non, pas du tout. Non, va. C'est bon. Ça va. Alors, du coup, bah, c'était offert. Pour l'instant, vous pouvez couper votre micro. Et puis, juste après, Okay. vous nous donnerez votre avis. On vous dit à tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est bon? Hop. Bon, je continue quand même. Du coup, première question pour L au carré. Quelles sont les grandes périodes historiques côté beauté lors du siècle passé? Donc, Dorothea, tu peux couper ton micro, comme ça, on n'aura pas d'indice J'avais de oublié ton côté. comment on coupe le micro en fait. C'est tout en haut, ouais, c'est à droite de stéréo. Est-ce que tu vois, il y a un petit logo bah Au milieu. de micro, ouais, au milieu, entre stéréo et arrêter le live. Ne clique pas sur arrêter le live, ce serait dommage. La boulette. Est-ce que tu vois, Dorothea? En haut de l'interface, là, sur l'appli, normalement, tu as ce petit. Ah, génial, bien joué. Alors, du coup, quelles sont les grandes périodes historiques côté beauté lors du siècle passé? Elle au carré. Oh là là. Trois propositions. D'abord, des marques de luxe historique, puis une période marquée par l'influence des défilés de mode, et enfin, des marques dites indépendantes. Deuxième proposition, d'abord, des marques de matières premières pour créer soi-même à domicile, puis des marques cosmétiques en porte-à-porte, et enfin, des marques de luxe aujourd'hui. Troisième proposition, pas de marque beauté française avant 1945. Puis des marques américaines ont finalement créé le marché en France. Et enfin, des marques de niche avec clientèle très ciblée. C'est assez long. Oh Je voulais que je là là. répète. Moi, Vous avez déjà une idée? j'hésite entre deux propositions. Donc, Ah, vas-y, dis déjà comme ça j'hésite à la entre la deux. relecture. Alors là, je n'ai pas bien entendu. Désolée, ça a un peu haché. Entre la deuxième et la troisième. Deuxième et troisième. Et toi, Léa, tu as déjà une idée? Bah moi je bon après je me rappelle plus de la première mais j'aurais plutôt dit la 3 mais Je recommence. la première je me Quelles sont rappelle. les grandes étapes historiques côté beauté lors du siècle passé? Première proposition. D'abord les marques de luxe historique, puis une période marquée par l'influence des défilés de mode, et enfin les marques dites indépendantes. Deuxième proposition. D'abord les marques de matières premières pour créer soi-même à domicile, puis les marques cosmétiques en porte-à-porte, et enfin les marques de luxe aujourd'hui. Troisième Moi, je connais pas affirmation. trop. Ah, pardon. Ouais. Là, du coup, c'était les 1 et 2. Je dis la troisième. Pas de marque beauté française avant 1945, puis des marques américaines ont finalement créé le marché en France, et enfin des marques de niche avec clientèle très ciblée aujourd'hui. Pour moi, on faisait pas de trucs genre DIY, on va dire. Du coup, la deuxième réponse, je suis pas sûre, mais Ah. bon, je veux pas. Moi, Comme. je me dis que Louis, t'as hésité, voilà. cosmétiques ont commencé un peu par envoi postal et compagnie. Enfin, tu regardes des grandes marques comme Yves Rocher qui faisaient que de l'envoi. Donc, je me dis la 2 peut être possible, mais la 3 en même temps ne m'étonnerait pas que ce soit importé de. Ouais, Eh bien, bah, il va falloir trancher. et bah, Toi, ah c'est bon, plutôt entre 2 et 3 pour Louis? on suit le choix de derrière, on dit 3. Allez. Oh là là. Allez. J'ai une pression là, je suis pas toute seule. Ouais, ça va, j'avoue. Bah, du coup, avant de dévoiler, hein, on va écouter si nos auditeurs se positionnent. Alors, Astrée, qu'est-ce que t'en pensais, toi? Est-ce qu'on a le droit de proposer sa réponse ou non? Oui, tout à fait. Là, maintenant, les auditeurs peuvent s'exprimer. Essayez de nous dire si pour vous, les grandes périodes historiques côté beauté lors du siècle passé correspondaient plutôt à la première, deuxième ou troisième. Vous partez sur la troisième, Astrée. Moi, en tout cas, j'aurais dit 3. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon avis, mais j'aurais dit 3. Tu peux le donner, tout à fait. Claire, bonsoir Claire, merci de participer. Bonsoir, je dirais la réponse numéro 1. Une pour Claire. Alors, maintenant, on va demander à Steve Offea de revenir, de nous dire, eux, spontanément, leur idée, et après, je vous dévoile. Alors, Steve Offea, êtes-vous de retour? Vous pouvez remettre votre micro, du coup, ça va être l'activité de ce soir. Cliquez sur ce petit Yes. logo. Ah, voilà. Qu'en pensez-vous? T'en penses quoi, Steven? Moi, j'aurais été du même avis que le dernier vocal qui a été énoncé, je sais plus qui c'est. Ah, Claire, elle a dit oui. La une. Oui, j'aurais dit la une aussi, oui. Moi, je dirais une, deux. Je sais pas, j'hésite. Je sais pas, j'ai pas d'hésitation. Mais je vais t'accompagner vu qu'on est une équipe. Donc, Bon, bah, tu fais bien de suivre l'intuition de Steven. En effet, c'était la une. Bien joué, Claire aussi. C'était sur le live des Indie Browns. Mais du coup, je pense que sur ce live-là, je pense qu'il n'y avait que Steven qui était en auditeur. Donc, peut-être que tu te souviens du coup. Donc, pour rappel, en fait, pour vous resituer, il y a eu vraiment trois grands moments dans l'histoire de la beauté. Un début de siècle avec des marques de luxe historiques, genre Chanel, Dior, Estée Lauder. Ça, c'était juste après 1945, en fait. C'est là qu'elles sont apparues. Ensuite, on a eu dans les années 80 une grande influence de la mode, avec notamment, du coup, au niveau maquillage, l'inspiration des défilés. Et là, c'est des marques comme MAC, par exemple, Bobby Brown, ensuite. Et aujourd'hui, on est sur des indie brands. Donc là, c'est avec l'essor des réseaux sociaux, les consommateurs recherchent de la personnalisation et de nouvelles expériences dans la beauté. Donc, je dois dire que malheureusement, c'est une première fausse réponse, mais loupé. Ça nous laisse juste du suspense. Ah, on a Alexine qui participe. Salut, Alexine. Moi, j'aurais peut-être dit à deux parce que je sais que ma grand-mère était vendeuse de cosmétiques en porte-à-porte dans les années 70-80, du coup. Ah, je vois. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a eu aussi tout à fait cette activité-là qui s'est développée. Mais disons que les grandes tendances, enfin là, de ce que j'avais lu à l'époque sur ces trois grandes périodes de la beauté, c'était années 80, inspiration des défilés de mode. Donc, c'était pour ça. C'était la troisième réponse. Alors, du coup, maintenant, on va demander à Elle au carré de couper leur micro sur cet échec. Ah, et Stéphophéa, hein. Ouais, on va voir si vous avez encore une bonne intuition cette fois-ci. Du coup, question 1 pour vous. Il existe des différences culturelles importantes entre les pays concernant l'approche du tatouage. C'est en Corée du Sud que le tatouage est une tradition incontournable, en fait. Il y a même eu une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats se faisaient des tatouages dessinés par leurs amis sans savoir de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je précise qu'il y a cinq formats différents de questions hein, et j'ai fait en sorte qu'il y ait le même genre de difficulté. J'estime pas que celle-là est aussi facile que celle d'avant. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je dis c'est vrai parce que je pense oui. Ça, c'est probable. Ok, ce que j'ai justement, on va discuter un peu là. En fait, c'est bien au Japon où le tatouage est proscrit à 250% et alors qu'en Corée du Sud, il est plus que toléré, il est presque parce que tu vois au Japon, genre c'est les yabuza qui ont des tatouages, des clans un petit peu perchés où il faut pas trop s'y frotter. Est-ce que en Corée du Sud c'est pareil ou c'est totalement le contraire du Japon. Tu vois ce que je veux dire? T'as un doute qu'en Corée du Sud, il n'y a pas droit de... Il y a un peu le même regard sur les tatouages, tu veux dire? Ouais. Ça ah non, pas c'est du ça. Tout. Non, non, pas du tout. Après, moi, je suis les... même les... Un peu la Corée du Sud, mais après, il y a la Corée du Nord, donc ça, c'est complètement... Là c'est Corée du Sud, ouais. Là, on parle de Corée du Sud, donc... Ouais. Moi, je dirais que c'est vrai. Après... Eh ben, je pars sur ton ressenti. Oui, c'est vrai, alors. OK. C'est bon, on part sur vrai. On va voir si les auditeurs ont le même souvenir que vous de ce live, Claire. Je pense que c'est vrai. Je suis même sûre. Vrai pour Claire. Astrée. Il me semble que c'était vrai. Hein. Je crois justement. J'aurais pas pensé, mais je crois que c'était vrai. Écri-cri. Bonsoir, je dirais que c'est vrai pour cette question. Elle au carré. Comme ça, on serait sûr. Ouais, non, je crois que Juliette, elle, malheureusement, ce soir, elle ne sera pas disponible pour nous éclairer et vous guider dans vos réponses, exceptionnellement. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, ouais, là, Juliette. Ça pose tout, hein. Ouais. Ah, c'est ça. Au secours. Elle va nous manquer. Est-ce que, elle au carré, vous aviez une inspiration identique ou différente? J'aurais dit la même chose, donc voilà. Oui, bah, moi, et toi, Léa? C'était pendant le live. Ouais. On avait tous les deux, du coup, oui, je crois que c'était vrai, enfin, je m'en souviens. Alors, on a Alexine aussi qui participe. Merci, Alexine. Je pense que c'est vrai aussi. Je sais que les Américains, ils ont une émission de ce genre. Et ils ont tendance à piquer un peu les émissions des autres pays. Donc, ouais, c'est impossible que ça existe en Ouais, tout Corée à du fait. Sud. Ouais, Alors, je suis notamment la navrée. Vous Corée du m'avez même Sud. mis le doute. Vous m'avez même mis le doute parce que non, non, c'est faux. Bah, ah bon? Justement, Alexine a cité les États-Unis. J'avais fait le parallèle et j'avais juste changé de pays. Figurez-vous, et là, normalement, Léa, tu vas t'en souvenir, que c'est carrément en activité clandestine que les tatoueurs agissent en Corée du Sud parce Ah, qu'ils risquent une mince. peine de prison. C'est Donc, vrai. c'est carrément interdit, voilà. Mais bien sûr, Purée. il y a quand même des artistes qui le font et tout, mais c'est illégal, voilà. Donc, on ne D'accord. peut Oh là pas dire là. que ce soit une tradition Mais moi, incontournable. je me souviens de ce live, mais il me Ouais. paraissait que, du coup, oui, c'était vrai, mais du coup, c'est... C'est aux Envoyé fake. États-Unis, par contre, qu'il y a en effet cette émission. Bah oui, Et c'est... Alexine l'a vu aussi. Tu sais, là où où un ami leur tatoue quelque chose sans Ouais. qu'il le sache à l'avance. Enfin, voilà. Donc, ouais. Et pour info, du coup, aux États-Unis, pardon, il y a 31% des Américains qui sont tatoués. Donc, j'ai pas le pourcentage en Corée du Sud parce qu'il n'y a a priori pas de chiffres étant donné que c'est illégal. Alors, C'est on ouf. a plusieurs commentaires par rapport à cette question claire. En fait, je pense que je me suis trompée. Je pense que c'est faux. Parce que je Okay. me suis basée sur l'émission et non, je pense pas que la Corée soit adepte du tatouage à ce point-là. Ouais, tout à fait. Aïe, C'était faux. mais Cri c'est cri. sûr qu'au Choqué. Japon. Tout le monde a dit vrai et c'est faux. Ouais, Ah non, totalement. mais j'ai pas Ouais. dit, je voulais pas dire vrai. Ah oui. Mais Bah, j'ai pas t'as eu suivi, voilà, c'est de ma faute maintenant, voilà. Non, mais non, c'est moi qui n'avais pas assez d'arguments de poids, on va dire. Ouais, bah comme Moi, je ça, voilà, pensais pas tu. que ça va être à ce point-là, que c'est un crime, en fait, pour Mais enfin, moi non un plus. peu sorte de Enfin, crime. C'est fou, hein? c'est ouf que ça soit littéralement un crime et que du Ah coup, ouais. te faire tatouer, Bon, un crime ça. ou un Provocation, délit, quoi. hein, parce que un crime, Non, c'est mais. peut-être un peu Non, mais excessif. on peut dire que vu la Corée du Sud, je pense qu'ils doivent se mettre à un niveau de pression sociale bien au-delà de ce que nous pouvons Ah subir en Europe. oui. Ouais. Donc oui, même si c'est un délit où voilà, ça reste socialement inacceptable, j'imagine. Et du Ouais, coup, tu dois ouais. être, tu vois, tu peux ne Marginalisé. pas avoir d'appartement à cause de ça, à peu près comme au Japon, Ah j'imagine. oui. On peut te refuser des prêts bancaires. On peut, j'imagine qu'on peut être jusque dans ces extrêmes-là. Hein. Ah peut-être. Ouais. Non, c'est sûr que ça semble assez excessif. Je continue avec la réaction d'Astrée. Mais pour l'instant, vous êtes fort, hein, en tout cas. Ouais, super. Merci Astrée, on adore ton soutien. Elle continue. Faudrait mettre Juliette dans une troisième équipe. Là là. Et je suis sûr qu'elle aurait juste en fait, tu vois. Genre Ah elle oui, serait là, trop. face. Ouais. Bah, si Elle aurait le Astrée truc l'aide en tranquille. trichant, oui. Mais bien sûr, mais on sait très bien de manière que Astrée serait derrière en support de Juliette. Exactement, ouais. Pour pas la Voilà. lâcher. Ouais. Bon, bah. En tout cas, vous êtes au moins à égalité. Je sais que vous vouliez ménager le suspense et là, vous êtes bien C'est parti déjà pas grâce mal. à ça. C'est déjà pas mal. On repasse à, du coup, L au carré pour la deuxième question. Donc, c'est à vous faire, vous pouvez, s'il vous plaît, couper le micro. Donc, le stress oxydatif, c'est le fait que notre stress ait tendance à oxyder notre peau dans trois couches, c'est-à-dire du derme, de l'épiderme et même de l'hypoderme. Est-ce que c'est vrai ou faux, L au carré? Alors, j'ai pas entendu le premier mot. Alors, c'est le stress oxydatif. C'est le fait D'accord. que notre stress ait tendance à oxyder notre peau, en fait, dans ces trois couches, c'est-à-dire le derme, l'épiderme et même l'hypoderme. Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? Oh là là, j'en ai aucune idée. Dirais faux. J'ai pas assez bien suivi les lives, Alice, je crois. C'est la sanction, là. Oui, c'est ça. Non, non, je plaisante. Écoute, vraiment, j'en ai aucune idée. Je sais pas si tu t'en souviens, toi, Louis, Pas tellement, mais du mais... coup, je dirais Ça quand te même dit peut-être rien? pas faux, mais. Ouais, ça te dit rien. C'était dans le live qu'on avait animé avec Steven, Avec Steven, beauté ouais. et stress au masculin. Donc lui, normalement, a peut-être la réponse. Oui. Alors, Je... Il me semble que c'est faux, pas sûr. Il me semble que c'est pas les trois couches que ça. Ah, ok. Mais du coup, ça existe bien et c'est quand même ce principe-là. Mais tu penses que c'est pas les trois couches, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Bon, bah, je te suis parce que vraiment, j'ai aucun avis. Voilà, je ne connaissais même pas le principe. Alors, on va voir si les auditeurs ont un autre avis, Claire. Je pense que c'est faux. C'est autre chose. Faux pour Claire, elle est d'accord avec vous. Et Astrée ? Alors, je me suis concertée avec Juliette et je dirais que c'est faux. Alors, pour l'instant, vous êtes tous d'accord. Est-ce que Stérophéa peuvent nous rejoindre et nous s'exprimer ? Est-ce que, Steven, tu te souviens de cette question qui t'avait un peu interpellée sur le coup ? Tout à fait, je m'en souviens. Après, me souvenir de la réponse que j'ai donnée, c'est une autre histoire. Hein. Comment dire ? Je vais faire appel à mes mémoires qui est déjà bien loin. Moi, je pense que c'est vrai que, de toute manière, le stress, on sait que c'est quelque chose qui oxyde autant mentalement que physiquement. Et du coup, je pense que oui, tout à fait. Les trois couches de l'épiderme, comment dire, se détériorent, mais peut-être pas à la même vitesse. Et je sais même plus si c'est comme ça que tu avais posé la question. Tu vois. Non, non, en effet, je l'ai reformulé. Ah, donc c'est encore plus pire est-ce parce que peut-être. Tournoi. Exactement, ouais. Dorothée, à toi, ça te parle le stress oxydatif? Bah, ça me parle les couches épidermes. Mais, bon, parce que là, j'ai vu ça en cours, tout ça, mais. Oui. Mais si, Si c'est possible de répéter la question. Alors, le stress oxydatif, c'est le fait que notre stress ait tendance à oxyder notre peau dans ses trois couches, c'est-à-dire au niveau du derme, de l'épiderme et même de l'hypoderme. Un indice, ce n'était pas par rapport au nom des couches qu'il fallait... ce n'était pas sur ça qu'il fallait se concentrer. Oui, mais s'il s'agit sur les trois couches, en fait, en tout ça, enfin, sur les trois couches, quoi. Là, comme ça, vous étiez plutôt sur vrai. Enfin, Dorothée, t'étais plutôt sur vrai ou pas spécialement? Moi, je dirais plutôt vrai. Vous êtes raccord en tout cas. Est-ce que Claire était d'accord? Il me semble que Steven avait déjà fait l'erreur à la au live. Je dirais faux. Merci Claire pour tes souvenirs et en effet Steven s'était trompé et se trompe ce soir encore, donc bravo Hello Carré. Ah, cool. C'était bien faux. Donc petit rappel, ça s'appelle le stress oxydatif, mais en fait ça correspond pas au stress qu'on ressent psychologique, etc. C'est dans le sens agitation, en l'occurrence l'agitation de nos cellules qui sont attaquées par des radicaux libres. Les radicaux libres, on rappelle, ce sont les molécules instables qui sont créées quand l'oxygène fait une réaction avec nos cellules. Et ensuite, ces radicaux libres essayent vite de s'accrocher à d'autres cellules. Sauf que quand ils s'accrochent à une cellule qui est utile à notre peau, son tonus, son élasticité, eh ben, ils la sacrifient. Donc, c'est en ça que le radical libre est mauvais, on va dire, pour notre peau. Et c'est en ça que le stress oxydatif, du coup, est négatif. C'est en fait le fait qu'il y ait une agitation des cellules, plus de réactions avec l'oxygène et la création de radicaux libres, et donc que la peau s'abîme. Voilà. Mais rien à voir avec le fait qu'on soit stressé, en fait. Voilà. C'est un petit piège. Donc, tout est encore possible, puisque nous avons un pour Hello Carré. On passe à la question 2 avec Stérophéa. Du coup, quel classement est le bon concernant les pays qui consomment le plus en matière de produits cosmétiques dans le monde? Je répète. Quel classement est le bon concernant les trois pays qui consomment le plus en matière de produits cosmétiques dans le monde? Je vous fais trois propositions. Il y a d'abord Corée du Sud, ensuite Brésil et ensuite États-Unis. Deuxième proposition, il y a d'abord la France, ensuite les États-Unis et ensuite la Chine. Troisième proposition, États-Unis, Chine et Japon. Est-ce que vous voulez que je répète? Non, pour moi, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Dorothée? Toi, tu t'en penses parce que moi j'étais sur le live en plus, je crois, c'était le live un des notre live en fait. Donc, alors on l'a un peu évoqué, c'est vrai, a priori dans le live ensemble, plus, ouais. Je crois, oui, par rapport à la bouteille russe, je crois, c'était ça, mais je sais plus. Oui, pour moi, c'était plutôt le 2. Après, je sais pas si toi, pour toi, c'était quoi? Ben moi, tu vois, c'était le 3. J'avais souvenir que les États-Unis représentaient une énorme part. La réponse 2, c'est qui déjà qui est en premier? C'est la France? France, États-Unis, Chine. Et on parle en termes de producteurs ou consommateurs? Là, c'est les consommateurs, c'est la valeur du marché. Combien de milliards de dollars sont achetés? Ah oui. Et ben voilà. Tu dis 2, toi. Les produits cosmétiques, on parle bien le pays qui fait enfin, le marché, en fait, c'est ça. Les acheteurs, qui achètent le plus de produits de beauté, en fait. Produits. Oui, si tu veux, je peux répéter, hein, si vous voulez. Oui, s'il te plaît, si c'est possible, oui. Alors, la question 1, c'est Corée du Sud, Brésil, États-Unis. Réponse 2, France, États-Unis, Chine. Réponse 3, États-Unis, Chine, Japon. Quel est le classement des trois premiers pays où il y a le plus d'argent dépensé en produits de beauté? Oui, du point de vue du consommateur. Bah, moi, j'aurais dit la troisième, États-Unis, Chine et Corée. La troisième, c'est États-Unis, Chine, Japon. Pardon, Chine, Japon. Et la première, c'est Corée, Brésil, États-Unis. Je me souviens que le Brésil, il y a un truc avec le Brésil, mais je sais plus exactement. Intérieurement, Alice est en train de rigoler, je suis sûr. On part sur 3 alors. Vas-y, hein, on... Je vais couper mon micro, moi, pour pas donner d'indice en rigolant. En me moquant. Ben ouais, je dirais 3, mais c'est vraiment sans certitude aucune. Juliette, s'il te plaît, si tu m'entends. Non, je sais pas du tout. Hein. Pour le coup, je suis un peu largué. Ouais, moi, j'aurais dit instinctivement que les États-Unis, mais proportions gardées, peut-être que tu as raison sur le choix numéro 2 et que c'est en France qu'on consomme, enfin, qu'on achète le plus. Donc, peut-être qu'on peut passer sur le choix numéro 2. Si tu as un bon feeling sur ce choix-là, je te suis. Bah, en fait, j'ai un feeling aussi sur le troisième, parce que les États-Unis, c'est vrai que... Donc, je suis un peu perdue, là, tu vois. Donc, ouais, ouais. Ou alors, on prend de revers et on part sur le choix numéro 1, pour surprendre tout le monde, tu vois, comme ça, on est sûr que... On s'en sert. On là, ouais. Est sur le choix de 2 et 3, mais on prend le 1. Tout le jeu. Non, mais... Vas-y, 3. On essaie 3. Allez, on essaye le 3, mais je suis quasi sûr que c'est le 2 au fond, non? Parce que, attends, c'est les Français. Les Français, ils aiment bien dépenser de l'argent dans la beauté, alors que les Américains, c'est plus des burgers, non? Bah, vas-y, 2 alors, je sais pas. Ouais, deux, parce que je pense que les Américains, ils achètent des armes, tu vois. ils achètent des armes et des burgers. Non, ouais. Ouais, parce plus. Après, plus en classement, ils sont deuxième après la France. Donc, c'est ça, en fait. Donc, peut-être. Ouais, voilà. On verra. Bon, on part sur 2. Ouais, allez, on part sur 2. C'est parti pour 2. On va écouter. Du coup, il y a eu plein de réactions pendant vos réflexions. Alors, est-ce que. Les auditeurs sont inspirés. Il me semble Claire. Que c'est... Alors, je me souviens plus, c'est la 1, la 2 ou la 3. Il y a Corée du Sud, États-Unis, Japon. J'hésite. C'est la 3, en fait. 3. Alors, on va voir. Je pense que Claire a réagi après. Astrée. Bon, bah, vu que vous êtes bon, je vous suis. Je vais dire le 1. voilà, super. Cri-cri. Moi, je dirais la... Réponse 3. Claire? Alors, du coup, je dis la 1. Donc, Claire et Astrée veulent vous contredire. Astrée? Non, en vrai, j'ai le troisième plutôt, si bah je oui, dois répondre. Bah oui, c'était le 3 en plus. Bah oui. Et Astrée, il s'agirait de se décider, c'est peut-être. Sûr. Merci. Merci. Hello Carré, vous pouvez venir nous dire ce que vous en pensiez? Alors moi j'aurais pensé la une pour le Ah coup, bah moi aussi. parce qu'il me semble D'accord. que les Coréens sont des très gros consommateurs de Ouais, cosmétiques. pour moi aussi. Mais moi j'avais une question, Alice. Quand tu dis Ouais. cosmétique, est-ce que tu comptes les soins dedans? Oui, il me semble. Parce que Tu veux pour moi, du dire coup, les Coréens, en termes de soins, ils sont... ouais, ils sont au Les top. soins en institut, tu Ouais. veux dire? Ou Non, non, achat soins... de... Non, Non, achat de non. soins hors maquillage et tout. Ah! Ah oui, en fait, les cosmétiques, ça prend en compte Tu prends le soin tout. visage, le Ouais, c'est ça. maquillage, le soin Ok, du corps, voilà. même Ouais. l'hygiène, hein. Tu vois, Oui, même tout ce d'accord. qui est gel douche et tout ça, c'est D'accord. souvent... Ah, Ouais, pour moi, c'est eux, rattaché tout en à fait. soins du visage et tout, ils sont vraiment à fond dedans. Après, moi, le seul truc qui me faisait hésiter avec la une, c'est Brésil, parce que ça me dit vraiment rien. Enfin, j'ai jamais entendu quoi que ce soit en particulier sur le Brésil. Mais je pense que j'aurais quand même dit la une. France, pour moi, on n'est pas dans les plus gros consommateurs. Genre, ça m'étonnerait, en fait, pour la 2, qu'on soit avant les États-Unis. C'est pour ça Ouais. que... Voilà. Alors Il y en a beaucoup fait, moins les États-Unis, c'est ce qui me fait dire que peut-être. ben voilà, en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est par rapport au nombre d'habitants, parce que c'est ça qui fausse un peu. C'était la 3. Ah. Bah Tant pis, voilà. voilà. En Bah fait, c'est bien les États-Unis qui correspondent au premier marché. Ils dépensent chaque année 89 milliards de dollars. voilà. Ah La Chine est juste derrière avec 58 milliards de dollars. Je rappelle qu'en Chine, ils sont bien plus nombreux qu'aux États-Unis. Donc oui. voilà, ça veut dire que par habitant en Chine, on dépense beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et au Japon, là, ils sont troisième marché mondial. Et là, c'est 36 milliards de dollars. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence. 89 milliards pour les États-Unis, 58 milliards en Chine et 36 au Japon. Et pour info, le Brésil, c'est le quatrième avec 34 milliards. C'est pour ça Ah, que d'accord. j'ai OK. pris Brésil. Cinquième, c'est Allemagne. Et nous, France, on est huitième avec 14 milliards. Par contre, on est premier exportateur. Ah. Ouais. Voilà. Cocorico. Ouais. Et c'est Quand même, ça. c'est vrai que c'est ça. Et la Corée, du coup, Bah, c'est c'est mal loin. parti, hein, de référent, là. Ça sent roussi, hein, Bon, là-bas. pour l'instant, il n'y a qu'un point d'écart. Corée du Sud, c'est dixième avec 12 milliards, donc pas très loin OK. de nous. Alors, OK. du coup, question 3 pour L au carré. La vraie différence entre un savon et un shampoing solide, c'est son pH. Donc, quel est le pH de la peau et quel est le pH du crâne, selon vous? Quatre propositions. Donc, je vous demande quel est le pH de la peau et le pH du crâne. Proposition 1, la peau. pH 5,5, cuir chevelu entre 6 et 7. Deuxième proposition, la peau 5,5, cuir chevelu 5,5. Troisième proposition, la peau entre 6 et 7, cuir chevelu entre 6 et 7. Quatrième proposition, la peau entre 6 et 7 et le cuir chevelu 5,5. Eh bien, déjà, j'aurais pas dit la 2 parce que pour moi, c'est pas pareil, mais je connais rien, mais Je sais que le pH de la peau est de 5,5, mais alors celui des enfin, du crâne, je pourrais pas te dire. ça Donc déjà, on devrait peut déjà vous éliminer donner un premier la indice. dernière. Donc, On peut déjà, vous éliminer la deux, la éliminez dernière. et la troisième qui était peau entre 6 et 7 et cuir Ok. chevelu entre 6 et 7. Ouais, Donc, on bon. élimine, vous êtes sûr de vous là, on part sur ça comme base. 5,5 pour la peau, c'est ça que vous voulez suivre. Donc, du coup, vous n'avez que deux propositions. Peau 5,5, cuir chevelu entre 6 et 7. Et Ouais. peau 5,5, cuir chevelu 5,5. Pardon, j'ai coupé. Moi, j'aurais quand même fait une différence entre les deux. Je Ouais, sais donc pas je dirais la première. pourquoi, mais je dirais la première. Ouais, je dirais la première aussi. On valide. Je sais pas trop ce que ça change sur la peau exactement, mais pour moi c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même peau quoi. La peau est peut-être un peu plus épaisse, donc doit y avoir un Ouais. pH différent. Parce que Ouais. la peau du corps est plus épaisse, enfin je sais pas. Ouais, mais j'irai là. Ouais, moi aussi je pars sur la une. Alors, qu'en pensent nos auditeurs, Claire? Je dirais la réponse numéro 4. 4 pour Claire. Astrée. Bon, les réponses étaient un peu longues, du coup, je vais dire au pif 3. Merci Moi, je dis Astrée. l'autre que la première. Moi, je dis que c'est les deux à peu près pareil. Dorothea, qu'en pensez-vous? Ah mince, Mais on est-ce que reconnaît que c'est Dorothea? moi. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, Steven, toi, tu partais sur quoi spontanément? Au secours. Tu peux répéter, s'il te C'était, plaît? en tout cas, c'était sur le live coiffure avec Dorothea. On Oui. se posait la question là, du pH de la peau et du pH du crâne. On Oui, avait peau mais... 5,5, cuir Ouais. chevelu 6, 6 ou 7. Ensuite, peau 5,5, cuir chevelu 5,5. Ensuite, peau 6 ou 7, cuir chevelu 6 ou 7. Et dernière, peau 6 ou 7 et cuir chevelu 5,5. Donc en tout, il y a quatre réponses. Exactement, ouais. Alors moi, j'aurais dit la 3. Pour toi, c'était la 3, peau 6 ou 7, cuir chevelu 6 ou 7. Ah mince, ouais, de refaire me fait signe que ça bug un peu. Mais là, je crois qu'il Ah. y a la reconnexion de fait parce qu'on voit bien son visage. Bon, on attend encore un petit peu. Ah, Là, ça Dorothea, va. est-ce que... Oh, Ouais, parfait. vous Est-ce m'entendez? que tu as une idée? Ouais, on t'entend très bien. Toi, tu te souviens peut-être de cette information ou pas trop? Oui, que je sais que la peau, c'est 5,5 et le cuir chevelu, c'est 4,5 et 5,5 à peu près. Ça doit être ça. Mais... Et c'était quoi comme les réponses? Enfin, parce que j'étais coupée en fait, donc je ne sais pas. Ah, en fait, ils sont partis L au carré sur du coup la... Ah, mince, ah, j'ai même La pas... une. La une, pardon. Ouais, Ouais. ils sont partis sur la une. Et c'était quoi Oh. 5,5 la Je peau bug. et cuir chevelu Oui. 6 ou 7. Non, c'est pas ça. La Ah. deuxième, c'est peau et cuir chevelu pareil à 5,5. La Oui. troisième, c'est peau et cuir chevelu pareil à 6 ou 7. Et la quatrième, c'est peau 6 ou 7 et cuir chevelu 5,5. Louis estimait que la peau est à 5,5, c'était ça sa certitude. Toi, tu as Moi l'impression que la aussi, peau est à c'est la même. 5,5 ou Enfin, pas? oui. Oui, Et c'est ça. tu penses que c'est le même pH pour la peau et le cuir chevelu ou pas spécialement? Bah, ça devrait être. Parce que c'est quand même la même. Bah, faut que ça soit 4,5 entre 5 et 5. Mais si c'est plus, voilà, c'est un peu chelou, quoi. Bien vu, Dorothea. Mais moi. Bien vu. C'est bon. L'honneur est sauf, Dorothea, parce que c'est déstabilisant quand je vous pose une question un peu en lien avec du coup votre métier, même si on n'est pas censé tout savoir dans la vie. Mais là, bien joué. En Donc, du coup, effet, c'est la la deux, peau et le alors. cuir chevelu ont la même chose. Donc lui, tu Ah, avais une bonne d'accord. intuition sur le 5,5. Mais du coup, en fait, c'est la même chose. Il y a un piège, en fait. C'est que ce que j'avais évoqué, c'est que ce sont les cheveux qui, eux, ont un pH différent. Oui, mais c'est D'accord. C'est les cheveux qui Voilà. ont le pas le même. Enfin, Et il me semblait qu'il y avait une sinon, histoire. la cuir chevelue, même. C'est le cas. Ok. Bah bravo, bravo. Enfin, non. Elle au carré, du coup, on est à un point et on est à 0,1 pour Stévophéa. Je vous rappelle qu'il y a 5 questions dans cette première manche. Aïe, On passe du coup à la question 3. C'est le moment pour vous, Stévophéa, de remonter pour être à égalité. Alors, voici la question 3. Quelle affirmation est fausse sur le microbiote cutané? Je vous propose 4 informations sur le microbiote cutané. Première, le microbiote cutané, c'est l'ensemble des micro-organismes présents à la surface de notre peau, bactéries, parasites, levures, etc. Deuxième information, pour une peau saine, il faut un microbiote cutané équilibré avec un parfait dosage de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Troisième information, dans le microbiote cutané, il y a aussi des acariens. Quatrième information, les produits cosmétiques à base de prébiotiques et d'alcool aideront à nourrir les bonnes bactéries. Qu'en pensez-vous? Il y a une de ces affirmations qui est fausse. la 4, sans hésiter. Moi, je Alors pense pour aussi. toi, Hein. c'est la 4. Je pense Ouais, aussi. parce Vous que êtes alcool et tout tous les ça, deux tu vas d'accord. décaper tout le microbiote et les bactéries sont nos amis. Donc, on part sur la 4 pour vous. L au carré, est-ce que vous êtes d'accord? Vous aviez une autre idée? Alors moi, je pensais que c'était une réponse vraie, du coup, j'allais dire la une. Mais pour une fausse, Tu peux répéter la deuxième et la troisième, s'il te plaît? Alors, donc, je répète tout. Le microbiote cutané, c'est l'ensemble des micro-organismes présents dans la surface de notre peau. Bactéries, parasites, levures. Deuxième. Pour une peau saine, il faut un microbiote cutané équilibré avec un parfait dosage de bonnes bactéries, mauvaises bactéries. Troisième. Dans le microbiote cutané, il y a aussi des acariens. Quatrième. Les produits cosmétiques à base de prébiotiques et d'alcool aideront à nourrir les bonnes bactéries. Bon, pour changer, je vais dire la 3 pour ne pas dire comme l'équipe adverse. mais sinon, enfin, leur réponse me paraît bonne. Mais allez, je dis la 3 pour changer. Ok. Qu'en pense Astrée ? Possible, Astrée. Ouais, je dirais aussi que la 4 est celle qui est fausse. Bien joué, bien joué. Pardon. C'était faux fait, hein. Et bien joué, Astrée. Ah. Donc, en effet, vous avez réussi à rattraper le score incroyable de 1 point. Ouais. Vous êtes à égalité. Félicitations. Vous allez peut-être tous devoir écrire un poème. D'accord. Du coup, en effet, tu l'as tout de suite vu, Steven. C'est l'alcool, c'est plutôt, ça va décaper bonnes et mauvaises bactéries. Donc après, elles vont entre guillemets, galérer à repeupler le microbiome de la peau. Donc, en effet, on déconseille absolument, même quand on a une plaie, maintenant, on déconseille d'utiliser de l'alcool parce que ça risque de détruire toutes les bonnes bactéries et aussi nos cellules qui essayent de cicatriser la plaie. Donc, voilà, on évite l'alcool et on privilégie des désinfectants plus doux. Donc, en revanche, les prébiotiques sont bons pour nourrir les bonnes bactéries et c'est pour ça que des marques de cosmétiques intègrent des prébiotiques. Donc, c'est tout ce qui nourrit, c'est les aliments des bactéries. Donc, ces marques en injectent dans leurs produits cosmétiques, notamment des produits voilà, de soins visage, des crèmes, etc., pour nourrir les bonnes bactéries et qu'on ait une flore cutanée équilibrée. Alors, du coup, ouais. Question 4 pour L au carré. Quelle affirmation est fausse sur les tendances russes ? Attention, voilà, coupez votre micro. Sur les tendances russes. Donc là, c'était le live avec Dorothea. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur ce live-là où on avait appris beaucoup de petites astuces. Voici 4 affirmations, il y en a une qui est fausse. Le kéfir est un produit laitier fermenté très apprécié en Russie. Deuxième, le bagna est une sorte de hammam sec. Troisième, les glaçons de thé à huiles essentielles peuvent être passés sur le visage pour relancer la circulation en Russie. Quatrième, la chirurgie est un sujet tabou en Russie. Je répète ? Moi, c'est bon. Non, moi, c'est bon aussi. Ok. Alors, moi, la 2 et la 3, je m'en souviens du live, je pense. Et la 3, j'ai pas l'impression que ce soit si tabou que ça en Russie, donc j'aurais peut-être dit la 1. Et toi, j'ai pas entendu Louis, ça a coupé. Je dirais la 1. Ah, ok. Donc on est plutôt d'accord. Tu peux répéter la 1, s'il te plaît, juste Alice. Le kéfir est un produit laitier fermenté. Ça peut les ribos, donc non. Donc je dirais très la apprécié 4. En Russie. La 4, c'est la chirurgie est un sujet tabou en Russie. Ouais, je dirais la 4, en fait. Ah, tu connais le kéfir ? Bah, c'est comme le lait ribo en Bretagne, on en avait parlé dans le live. D'accord. Ok, bon, bah alors, on va sur la 4 alors, mais je le savais. Donc, la chirurgie est un sujet tabou en Russie, pour vous, c'est faux. Ouais. Alors, qu'en pensent nos auditeurs ? Cri-cri ! La quatrième est fausse. Elle est d'accord avec vous, Astrée ? Je pense que la 4, en tout cas, est bonne. Ah non, il n'y en a qu'une fausse. Non, bah alors, c'est la 4 qui est fausse. Là, elle nous a tous surpris. Hein. Ah, mais oui, attends, t'as dit que c'était un sujet tabou ? Ou que c'était pas un sujet tabou ? Il faut chercher l'affirmation fausse, et j'ai dit la chirurgie est un sujet tabou en Russie. Ah oui, voilà, donc oui, ok. Non, c'est bon, alors oui. On maintient. Ouais. Très bien. Est-ce que Steve et Féa peuvent nous rejoindre et nous dire ce qu'ils en pensent? Ah, on a en attendant Cricri qui a... Tu parles bien de la chirurgie esthétique, hein, oui, qui est tabou, oui. Oui, tout à fait. La chirurgie esthétique, pardon, j'ai dit la chirurgie, ça n'a pas de sens puisque la chirurgie, c'est un acte médical qui est pratiqué pour réparer, entre guillemets. Et donc là, on parle de la notion esthétique, en effet. Alors, Stéphoféa? La 4. Ah. Youhou! Ouais, moi je me suis, enfin je suis complètement bah du coup Dorothea, parce que bon voilà. On va peut-être apprendre que Dorothea n'est pas russe du tout et qu'on a été dupé. Non, bien joué à tous du coup. En effet, c'est la proposition que j'ai inventée. Donc bon, vous allez peut-être dire que c'était trop facile, mais ça aurait pu être non, un parce sujet tabou, que les hein. Les femmes russes sont toutes refaites. Ah, c'est un peu le. Refaites. D'accord. Ah ouais. Ah bah oui. C'est triste. Et toi, du coup, Dorothea, tu. Moi, j'ai rien fait encore. D'accord. Mais oui, c'est. Elle est encore, donc elle compte peut-être refaire. Ouais, voilà. Bah, je pensais les lèvres, mais ça se dégonfle, donc je me dis pourquoi. Ah, c'est de l'entretien. Ouais, c'est pour faire consommer, ça, c'est sûr. C'est de l'entretien. Ah oui, tu penses. C'est l'obsolescence programmée du Botox. Tout à fait. En tout cas, oui, dans mes recherches à l'époque, j'avais. Découvert qu'il y avait c'était assez accessible de faire au moins de la médecine médicale. Donc ça, c'est tout ce qui est injection, par exemple, qui est plus, qui ne nécessite pas une anesthésie générale. Donc tu confirmes, Dorothea. Ok, parfait. Alors, Astrid réagit. Dorothea, est-ce que tu pourrais faire un peu de chirurgie esthétique? Ça fera un nouveau thème pour t'imaginer. Oui, comme ça, avec lui, on fera la chirurgie esthétique version française et ensuite on aurait le témoignage de Dorothea. N'importe quoi. Ah là là. Bon, bah parfait. Du coup, nous avons un point d'avance pour L au carré et on va voir si Dorothea rattrape. Oui, c'est vrai qu'en passant en deuxième, c'est pas évident pour ça. Alors, quatrième question. Je rappelle qu'il y en a cinq dans cette première manche. La manche suivante est plus courte. Beaucoup de personnes estiment qu'elles doivent être épilées pour être séduisantes. Mais oh combien là, en fait? Vous m'entendez? Alors je répète. Ah, ouais, moi je t'entends. T'entends. Ouais. Est-ce que tu m'entends, Dorothea? Ça serait cool que tu puisses entendre parce qu'on va avoir besoin d'aide. J'avoue. Dorothea, tu m'entends ou tu veux redémarrer peut-être? Sinon tu redémarres. Hein. Je vais Ça t'écrire. Ça me coupe en fait, Jean-Jean. Ah, c'est peut-être la connexion Internet qui pose problème. Je vais essayer de démarrer. Oui, redémarre. Voilà, c'est ce que je t'écrivais. Alors, en attendant, je vais saluer nos auditeurs puisque nous avons une dizaine d'auditeurs. Là, on t'entend tout à fait. Est-ce que tu nous entends? Oui, parce que ça me coupe en fait. Et c'est bizarre, je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe. Hein. Stéréo. Mais là... Oui, ah, ouais. Là, je vous entends très bien, oui. Ok, parfait. Alors, j'allais saluer nos auditeurs. On a Juliette qui ne peut pas participer, mais qui est là. Salut Juliette. Astrée qu'on a bien entendu. Esther, salut Esther. Claire aussi, merci de participer. Cricri aussi. On a aussi AP, Camille, bonsoir. Charo, Andrea, bonsoir. Lee également, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale, la journée française de la peluche. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Instagram, mais en fait, il s'avère qu'en France, c'est la journée annuelle de la peluche, mais à l'international, c'est la journée de la beauté. Et c'est à ça que l'on s'intéresse ce soir dans notre duel, du coup, petit quiz entre deux duos. Et nous avons pour le moment 4 points pour le duo L au carré, formé par Louis et Léa. Et 3 points pour le duo Stéphoféa, formé par Steven et Dorothea, mais ouais. Avec possibilité, là, dans un instant, de remonter et d'atteindre les 2 points également. Voici ma question, mais d'abord, on va écouter Astrée. Peut-être qu'au niveau de la peluche, ils auraient eu des meilleures réponses. Alors... Astrée, je te défie, tu peux nous faire un petit, une petite question avec des infos, là, juste pour nous tester sur la peluche. Ça me ferait rire, si t'as que ça à faire. On pourrait te surprendre. Ah, peut-être, peut-être. Alors, du coup, nous avons cette quatrième question pour Stévophéa. Beaucoup de personnes estiment qu'elles doivent être épilées pour être séduisantes. Combien en fait? Première affirmation, 13% des hommes, 50% des femmes. Deuxième affirmation, 21% des hommes, 51% des femmes. Troisième affirmation, 29% des hommes, 57% des femmes. Quatrième affirmation, 33% des hommes, 73% des femmes. Je peux répéter. Beaucoup de personnes estiment qu'elles doivent être épilées pour être séduisantes. Quel est le ratio en fait homme-femme? Première affirmation, 13% des hommes, 50% des femmes. Deuxième, 21% des hommes, 51% des femmes. Troisième, 29% des hommes, 57% des femmes. Quatrième, 33% des hommes, 73% des femmes. Ok. C'est en France ou c'est on parle de C'est en tout France. en France, d'accord. On parle pas du général. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que là, c'est plus, ça serait très délicat de savoir, selon les Oui, cultures, ça a une toute oui. autre, signification et tout ça. D'accord. Alors, moi, je pense que le parce que là du coup j'ai dû le noter sur une feuille pour vraiment voir le truc. Calculer Je un pense, peu. Bonne idée. voilà, les deux premiers 13-50, ça me paraît un peu irréaliste parce que ça ferait une femme sur deux. C'est un peu arbitraire je trouve, mais je pense que c'est plus que 50%, c'est sûr. De manière, les trois prochains résultats après 51, 57, 73, voilà, on est bien plus décidé. 13% des hommes, ça me paraît un peu faible, je sais pas ce que t'en penses. Si, moi je pense que c'est très faible. Moi, je dirais peut-être 3 plus, mais la réponse 3, je ne sais pas. Enfin, à Ouais, mon la avis. réponse 1 et 2, elles me paraissent un peu. Parce que 21-51. Ouais. Peu. Mais moi, je pense Il que faudrait c'est. que Juliette puisse nous dire en aide un petit peu. Oui. Après L'intuition des 29-57. chiffres. Et ouais, 29-57, ça me paraît pas déconnant, mais il me semble que c'était beaucoup plus impressionnant pour les femmes. 73 et 33. Moi, je dirais la réponse 3, elle me paraît bien. Mais Kat, tu pensais plus par rapport aux femmes, en fait, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça, parce que ça fait une femme sur deux, un peu plus d'une femme sur deux. Tu Tu peux penses que les redire femmes, elles pensent l'affirmation? vraiment? Le pourcentage des femmes pensent vraiment qu'ils se sentent. Oui, et les hommes qui pensent que c'est séduisant, en fait, de raser, Voilà, c'est ça. pas s'épiler, quoi. Parce qu'on parle de croyance, mais dans les faits, ils le font pas vraiment. Ah oui, tu as raison là. Hein, oui, on parle de leur Ah, avis, oui. ah oui, d'accord. C'est ça. Donc, en Bah, ils ne effet, je veulent pourrais peut-être pas penser. être séduisants tout le temps, mais en cas de rendez-vous galant, du coup, combien estiment que c'est nécessaire pour se sentir séduisant, quoi? Après, il y a une autre question. Est-ce que dans les stats, tu peux nous dire si c'est sur la population homme-femme complète de France ou sur la population des 25-30 ans ou des 20-30 ans Alors, pour tout te dire, c'est Astrée qui m'avait posé cette question lors de notre interview inversée. Donc, Ah, je me peut-être que souviens qu'il y Astrée a un truc comme ça. aura cette, voilà, cette info. Bah, tiens, je l'écoute, elle a fait un petit Je ne sais pas commentaire. pourquoi vous réfléchissez aussi longtemps alors qu'au final vous avez faux. Merci Astrée. Franchement, c'est Merci, super utile, hein. Est-ce qu'Astrée, tu te souviens de si ça concernait la population globale ou une tranche d'âge? Évidemment que ça ne concerne pas les 0-12 ans, j'ose espérer. Donc, de toute façon, ce genre d'études, c'est toujours fait sur un Ce échantillon de la serait tellement. population. Et parallèlement, c'est vrai que ça ne prend sans doute pas en compte les plus de 70 ans. Mais bon, après, je n'en sais rien. Ah bah, Non, mais ça parce que réagit. tu Mais vois. j'avais fait un autre vocal plus sympa avant, juste je disais la réponse 4. Mince! Mince! Bah, tu vois, J'aurais c'est pas drôle dû ça. écouter. Ouais, le vocal gentil, il est parti, mais on sait pas où. Bon, en Bon, tout c'est cas, quelque chose. l'intention y était, donc on t'en remercie. Alors, vous partez sur quoi? Bah franchement, je partirais sur la 4, même si... En fait, j'en sais rien. J'en mais sais rien. Faut que je te suis, en fait, en plus. Mais non, mais dis la 3, comme ça apporte une contradiction. On perd 20 minutes là-dessus, et puis Alice est contente. Mais c'est bien! Tout ça pour ça. Non, vas-y, moi je prends de la 3. Hein. Je la sens bien. Ouais. Je vais pas tricher, on va dire. Ah on oui. va dire ça. Parce que tu dirais la 4, sinon. Non, pour moi, il paraît un peu trop, je sais pas. Moi, je dirais plutôt. Moi, bah... je dirais plutôt. Je sais pas, 3. Plutôt 3. Ouais, mais au fond, la 4, elle est pas mal parce que. Juste, c'est embêtant. Tu vois, si ça avait été 34-73, j'aurais un peu plus cru. Mais là, c'est 33-73. C'est... Ouais. Faut pas me demander des trucs comme ça, c'est trop dur. Ouais, toi, tu étudies la beauté des chiffres et la... Ouais. Bah, la faisabilité ça. Que de tels chiffres puissent cohabiter et tout ça. Mais bien ouais. sûr, parce que sinon, comment trancher sur une telle question, c'est pas évident. Mais ça, alors, il va quand même falloir trancher. 3 ou 4. Voilà, je dis rien. Dorothea, tu dis vas-y, tu mets tout ça sur moi en plus. Non, mais... Allez, moi, je... Ouais. Si tu dis la... Si t'as un feeling pour la 4, on part sur la 4. Hein. Parce que ça fait un tiers des hommes et... trois quarts des femmes. Au fond, quand tu le prends comme ça, c'est pas déconnant. Hein. Oui, c'est vrai, mais après, pour moi, la 3, c'est pas... Je sais pas. Vas-y, on prend la 4, alors. On fait ça. On est là pour participer, hein. C'est ça, de toute manière, le problème, je sens qu'on va se le taper dans tous les cas, donc bon, allez. Parce que je crois que les élèves vont nous insulter, ils sont très longs, ils sont là depuis... Ça répond à des questions. Hein. Grave. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, enfin, c'est vrai que la 3 aurait été un peu plus juste, je pense. Ah, putain, j'en sais rien. C'est trop de dilemme, là. Est-ce que vous allez rattraper le score de vos adversaires ou est-ce que vous resterez à un point en dessous? Bah ouais, un point en dessous, machin. Allez, encore 5 secondes et il faut trancher. Ah mais on a déjà tranché, non? C'est bon? Là, c'était pas clair pour moi encore. 3 à la 4. 3 à la 4. 4, hein? 4. On dit la 4. Alors, on a eu plusieurs... Vous pouvez revenir, elle, au carré. On va écouter les du coup, messages. Ouais. Alors, Astrée. Allez, je cherche ça. Astrée encore. Non, je crois que c'est moi qui t'avais posé cette question dans le live inversé. Je dirais la 3 ou la 4. Bien. Mais 57, ça me paraît peu pour les femmes. Vas-y, ouais. Je veux dire la 4. Cri-cri. Je dirais la solution 4. Super. Là, on commence à être bien. Alors, la petite question sur les peluches. 20 millions de peluches sont achetées chaque année en France. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. Ah, 20 millions, moi je dis... Ah, non, moi c'est je dis énorme. Faux. Ouais, c'est beaucoup trop. Non, mais 20 millions. On est 60 millions. Ouais. Moi je dis faux. Et ouais. vous? Non, mais c'est vrai. Non, on est 64 millions en France. Et si tu comptes toutes les naissances qu'il y a dans l'année, sans compter le petit cadeau à la copine ou au copain, tu vois, non, on les a complètement. Ah ouais? Sûr qu'on y arrive, parce que pour en plus, pour un gamin, tu peux en offrir plusieurs. Non, je pense que. Oui, mais une fois dans sa vie. Période dans sa vie. Nounours, donc ça m'étonnerait pas, enfin, pour les enfants. Nounours, peluche, doudou. Ouais. Enfin, oui, ça à la Saint-Valentin ce que tu notamment, la ça peluche. Peut aussi. Ouais, ouais, tout, y a je pense. Hein. Il y a Noël, il y a. Les fêtes foraines. Ah, les fêtes foraines. Ouais. C'est vrai. Mais 20 millions, et puis c'est ça, énorme. C'est répandu, c'est... Tu vois, la peluche. Alors, on se positionne. Moi, je dis faux. Louis. Vrai. Dorothea. Moi, je dirais faux. Je sais pas. Moi, je dirais faux. Steven. Moi, je dis vrai. On est dans un univers capitaliste et tout. C'est... Léa? Moi, je dis faux. Oula. Alors, on continue les audios et comme ça, on va avoir la réponse Astrée. Ceux qui l'équipe qui a bon ou les deux équipes, bah j'aurais plus le droit de dire des choses méchantes. Ok, c'est mort. Par contre, je veux des réponses individuelles en fait. Voilà, c'est fait, c'est fait. Top. En tout cas, on est en plein dans le thème avec ce débat peluche. On est sur le thème de la journée particulière du 9 septembre. Et Claire s'est positionnée aussi. Je suis d'accord avec Steven. Entre Disney, les fêtes Ah ouais. foraines en Oui, plus, Disney aussi. naissance, Ah ouais. anniversaire, etc. Ah ouais. Oui, parce C'est qu'on vrai pensait que qu'Inter-France, partout, mais. ouais, Bah oui, il mais y a le tourisme. les zoos et Oh. tout. Ouais, les Ah zoos, oui, Marineland et tout. Les parcs d'attractions, genre Disneyland et compagnie. Ah oh, ouais. Ouais, Alors ça va. Ouais, après. on dépasse ce truc, hein. Bon, du coup, la réponse, c'était faux. C'est 13 millions. Donc, Ah ouais. bravo à, je crois, Alice et Léa. Donc, je. Et de refaire. Non, et Dorothea Ouais. aussi. Donc, je vous épargnerai. Par Par contre, les deux autres, contre, les gars. Ah oui, donc en fait, oui. Les filles, on avait toutes le même avis. Bon, c'est drôle. Merci Astrée, ça nous a fait une petite diversion. On revient tout de même à notre du coup question 4 pour Stéophéa. Et vous aviez raison. Mais est-ce que j'avais demandé à Hello Carré ce que vous en pensiez? Moi, je pensais Non. la. Désolée. Le Tu avais peluche des théories précises à apporter, Léa? mais Sur carrément. ce sujet. Non, mais en vrai, moi j'aurais dit 3 avant que Steven dise que. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Ah oui, que c'était enfin, le fait de penser que c'était plus séduisant, mais pas de le faire. Avant ça, j'aurais dit la 3, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai capté ça, bah, plutôt la 4. Voilà. Ah, comme quoi, prendre le temps de réfléchir, ça vaut le coup de Ouais. temps en temps. Ouais, mais c'était un petit Ah, peu trop long. c'est vrai que c'était long, mais faut. Attends, il est Et en plus, Astrée a 22h. balancé la réponse. Il y a un enjeu énorme derrière ce fameux Eh ouais, poème carrément. là Le qu'il va poème, la falloir pression. écrire en pleine nuit. Du coup, en effet, voilà, 33% des hommes, 73% des femmes. Un nombre qui apparemment est plutôt en baisse, nous l'avait appris Astrée. Question 5. Ah non, nous avons Astrée. Ouais, Léa a raison, j'ai dit la réponse avant qu'ils se décident et je crois que ça les Ouais. a un peu Mais orientés, je si je peux me sais. permettre. Ben, tout à fait, c'était ça mon mince, mince, mais bon. Il En fait vrai, quand même on partie. l'a pas écouté, hein, tu sais. Astrée, elle dit souvent de mauvaises choses, méchantes, donc du coup, voilà, c'est. Oui, elle aurait pu le faire exprès pour vous piéger en se Bien disant, sûr, tiens, bien sûr. Du coup, c'est de sa faute je que j'ai l'induis pris en autant de erreur. temps pour réfléchir, tu vois. Maintenant, Ah oui, voilà, j'ai une t'as dû excuse, c'est bon. analyser. En plus de la poésie des chiffres, la poésie de la voix d'Astrée, est-ce que c'était un mensonge ou pas? C'est très complexe ce soir. Question Ouais. 5 pour L au carré. Allez, faut qu'on gagne. Quelle affirmation est fausse? C'est donc votre dernière question de la Oh là partie là. 1. Ensuite, on aura la dernière question pour Stevofea. Et ensuite, nous aurons notre transition musicale avec une nouvelle chanson Soyez de rapide. Dorothea. Il a osé vous dire ça. Alors, L au carré, quelle affirmation est fausse? Première affirmation. Quand on s'expose au soleil, notre peau est là pour protéger nos organes de ses rayons. La peau suit donc un mécanisme de défense, le bronzage. Elle s'adapte en fait à son environnement. Il y a deux actions de mécanisme de défense. Deuxième affirmation. La première action de mécanisme de défense, c'est que les cellules de la couche basale, qui produisent les cellules classiques de la peau, donc les kératinocytes, vont surproduire pour que la peau soit plus solide, plus dure. Troisième affirmation. L'autre action, c'est le changement de couleur. Les mélanocytes en profondeur de l'épiderme vont sécréter de la mélanine plus foncée, ce qui permettra d'absorber les rayons UVB et donc de les stopper. Quatrième affirmation, une fois qu'on est vraiment bronzé, notre peau est donc protégée contre les UVB, puisqu'il y a assez de mélanine pour les absorber. Mais ça ne suffit pas pour lutter contre les UVA qui font eux aussi des ravages. Oh là là, tu peux répéter s'il te plaît, Alice, désolée. Donc c'était le live sur les solaires avec Steven, donc c'est pour ça que je Ouais. ne lui ai pas posé cette question à lui. Quelle affirmation est fausse parmi les quatre suivantes? A. Quand on s'expose au soleil, notre peau est là pour protéger nos organes de ses rayons. La peau suit donc un mécanisme de défense, le bronzage. Elle s'adapte à son environnement. Il y a deux actions de mécanisme de défense. B. La première action, c'est que les cellules de la couche basale, qui produisent des cellules classiques de la peau, les kératinocytes, vont surproduire pour que la peau soit plus solide, plus dure. Troisième affirmation. L'autre action, c'est le changement de couleur. Les mélanocytes en profondeur de l'épiderme vont sécréter de la mélanine plus foncée, ce qui permettra d'absorber les rayons UVB et donc de les stopper. Quatrième affirmation, la D. Une fois qu'on est vraiment bronzé, notre peau est donc protégée contre les UVB, puisqu'il y a assez de mélanine dans la peau pour les absorber. Mais ça ne suffit pas pour lutter contre les UVA, qui font eux aussi des ravages. Oh là là. C'est sûr que là, ça aurait été plus facile en étant présent au live, et je crois que vous n'étiez pas Oui. dispo ce Non. soir-là, donc c'est pas évident. Il Moi, j'aurais faut hésité entre 2 et suivre 4. votre intuition. Moi, j'aurais. Et pour Avec toi, la c'est mélanine. soit la 2, soit la 4 qui sont fausses. Pardon, Louis, je t'ai coupé. C'était laquelle réponse, celle avec la mélanine? La mélanine, c'est 3, non? la troisième. C'était l'autre action, c'est le changement de couleur. Les mélanocytes en Non. profondeur de l'épiderme vont sécréter de la mélanine plus foncée, ce qui permettra d'absorber les rayons UVB et donc de les stopper. Et toi, t'en penses quoi du coup, Léa? Franchement, si t'as un avis sur la question, Ah, j'ai aucune idée. vas-y, hein. Moi, j'hésitais entre 2 et 4, mais franchement, c'est... La 2, c'était quoi? C'est les Je sais même plus. La 2, c'était la première action. C'est que les cellules de la couche basale qui produisent les cellules classiques de la peau, kératinocytes, vont surproduire pour que la peau soit plus solide, plus dure. Ouais, je dirais peut-être celle-là, ouais. Oh là là, franchement, j'en sais rien du tout. Toi, la 3, elle te paraissait bizarre ou t'as juste demandé de la répéter comme ça? J'ai juste demandé de la répéter. Ok. Ok. Je dirais peut-être la 2, celle que je viens de faire répéter là à l'instant. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit plus dur, plus... Enfin, Je j'ai me jamais dis qu'elle entendu ça, mais je sais pas si c'est vrai. Franchement, allez, Allez, on enfin, passe sur on part sur la deux. On est moins long que vous, en tout cas. Hein. la Je peux me permettre. On va peut-être pas gagner, mais on est moins long. Mais ouais, vous pensez au bien-être des auditeurs et tout, c'est C'est sympa. ça. Donc, on tranche. Allez, Ouais, la deux. allez, hein. La 2, du coup. On n'aura pas plus d'avis dans 5 minutes. Alors, Stavofea, vous pouvez revenir. On va écouter Astrée, Claire et Cricri. De toute façon, même quand tu lui poses une question qu'il a déjà vue 4 fois, il sait pas répondre. Oh, la Bah vilaine. super. Astrée, c'est la Miss Pique de l'émission. Claire. Réponse 4. Sans certitude. La réponse 4, c'est une fois qu'on est vraiment bronzé, notre peau est donc protégée contre les UVB, puisqu'il y a assez de mélanine pour les absorber. Mais ça ne suffit pas pour lutter contre les UVA qui font eux aussi des ravages. Et Cricri, qu'est-ce que tu en Je vais penses? dire l'affirmation 1 qui est fausse. La 1, c'était quand on s'expose au soleil, notre peau est là pour protéger nos organes de ses rayons. La peau suit donc un mécanisme de défense, le bronzage. Elle s'adapte en fait à son environnement. Il y a donc deux actions de mécanisme de défense. Alors, Stavofea, Steven, est-ce que Oui. tu savais? Peux-tu répéter la réponse 2 et 3, s'il te plaît? Alors la 2, c'est la première action, c'est que les cellules de la couche basale qui produisent les cellules classiques de la peau, kératinocytes, vont surproduire pour que la peau soit plus solide, plus dure. Troisième, l'autre action, c'est le changement de couleur. Les mélanocytes en profondeur de l'épiderme vont sécréter de la mélanine plus foncée, ce qui permettra d'absorber les rayons UVB et donc de les stopper. C'est les deux sur lesquels on hésitait. Ah ouais. Attends, c'est pas T'attends pour pour autant que je m'en souviens. un. Comme le disait Astrée, tu vois. Donc du coup, tu dirais quoi, toi, de refaire? Mais pourquoi moi toujours? Ce qui est faux en fait, que l'affirmation est fausse. C'est Oui. ça. Bon, j'aurais dit la une. Du coup, Alice, elle va péter un plomb. Léa a coupé son micro pour rigoler, hein, je le note. La une, c'est quoi? Je suis là, je suis là. Elle La rigole une, encore. c'était Quand on s'expose au soleil, notre peau est là pour protéger nos organes de ces rayons. La peau suit donc un mécanisme de défense, le bronzage. Elle s'adapte à son environnement. En fait, il y a deux actions de mécanismes de défense. Ouais, mais c'est ça qui est dur, parce que tout prend du temps en fait avec la peau, et du coup j'ai du mal à. Enfin, j'aurais aussi eu autant de mal que lui et Léa à répondre. On va être long, on va être encore long, on va Ouais, répondre non. encore. Bah, allez, moi je balance la une, mais voilà, et ne m'en veux pas. Alors, suspense. C'était bien la 2. Et voilà, bah c'était Bravo, elle sûr. au carré. Oui. Oh, yes. Donc, ce qui Alors, en veut fait, dire mais que... des mots Ouais. compliqués. Je dis, ça peut être que ça. Ah, ouais, je vois. Mais c'est pas sur les mots compliqués, en l'occurrence, que j'ai fait le changement, parce que sinon, c'est trop technique. En fait, du coup, en effet, quand on s'expose au soleil, le bronzage, ce qu'on appelle le bronzage, c'est pour protéger notre corps finalement. Et du coup, il y a bien deux actions. Sauf que, certes, ça va... excusez-moi, là, c'est un petit peu embrouillé ce que je dis. C'est bien les cellules de la couche basale qui vont produire quelque chose de particulier, puisqu'elles produisent ces fameuses... cellules classiques de la peau, mais elles vont pas rendre la peau plus solide et plus dure, elles vont créer plus de couches à notre peau pour que la peau soit plus épaisse, pas plus solide et plus dure. C'était ça la OK. nuance. Et quand elle est plus épaisse, la peau, du coup, les rayons des UVA qui ont une longueur d'onde élevée, qui rentrent profondément parce qu'ils sont longs, et bah, ils vont du coup avoir plus de mal à atteindre les couches profondeurs de notre peau, de notre corps. Donc, du coup, OK. c'est un mécanisme de défense. Voilà. Et l'autre Et action qu'on connaît, c'est bien le changement de couleur, la mélanine qui est créée quand les UVB viennent toucher la peau. Du coup, la mélanine permet ensuite de les absorber. Donc, c'était Okay. très, très mitigé. Je vois que c'est encore un sujet. Il va falloir refaire J'ai ça une l'été petite prochain. question Hein. quand Oui. même. Mais du Je coup, est-ce pense que tu que peux... ouais. Bon, ah, pardon. Comment? Pardon, vas-y. Non, non, mais vas-y, tu veux, je t'ai coupé. Non, non, non, non, j'avais rien à dire. Ok. Mais On s'en j'avais une va. question du coup qui va avec. Voilà. On se casse. À l'aide. Je n'arrive Moi, pas je à peux pas parler. chanter, du coup, voilà. On va laisser Léa s'exprimer. C'est quoi ta question, Léa? mais en gros, souvent, avant d'aller au soleil, on conseille de faire un... C'est vraiment nul, en plus. Mais... On conseille de faire un gommage, tu sais, pour bien bronzer et tout, bien préparer la peau. Mais du coup, est-ce que ça fait partie des couches, du coup, qui protègent? Enfin, tu vois, je sais pas, vu que c'est de En la peau fait, quand morte. tu fais un gommage, ça va jamais atteindre, sauf si tu frottes comme une brute, et c'est pas le but du Oui. gommage, ça va jamais atteindre les couches dites normales de l'épiderme. Ça va juste, comme tu l'as dit, retirer la couche de cellules mortes, qui, elle, Ok, de toute oui. façon, devait partir, mais elle allait peut-être tomber dans quelques jours. Et du coup, là, tu accélères en la faisant Ok. partir, et ça permet de retrouver un teint plus éclatant, notamment. Donc, du coup, c'est pas... Du coup, attends ta question exacte. Mince. Bah, c'était du coup, est-ce que C'était... ça enlève une couche? Et du coup, c'est plus dangereux, entre guillemets, parce que souvent, on conseille ça Non, avant d'aller à la bah, piscine. du coup, pas, Non, ça pas, change pas rien. spécialement. Non, parce que c'est vraiment juste Ok. la petite partie au-dessus. Oui, ok. Et Alors, moi, du je coup, commence c'est... à Ouais. écrire le poème. Pas mal. Super. Alors, du coup, reste concentré quand même. Il vous reste encore des petites chances de vous en sortir. Question, dernière question pour vous, du coup, Stevofea. Voici quatre affirmations, une est fausse. Les fleurs de Bach ont été définies au début du XXe siècle par le docteur Bach. Deuxième affirmation. Les fleurs de Bach peuvent soigner certaines pathologies. Troisième affirmation, les fleurs de Bach correspondent chacune à un type d'émotion. Quatrième, les fleurs de Bach sont 39 au total. Ok, je pense que c'est la dernière parce que c'est pas 39, c'est 20, c'est pas bah 29 ou 30, 33, 32, mais il me semble pas que c'est 39, non? Ou 56 ou 12, je Non, mais c'est vrai que j'ai un chiffre qui me vient, tu vois, mais rigole. c'est pas 39. Et du coup, les deux premières, c'est bien un docteur Tac, je sais pas pourquoi j'en ai un autre souvenir, moi. C'est bizarre. Je répète les quatre au cas Ouais, où. s'il te Oui, plaît. s'il te plaît. Alors, les fleurs de Bach ont été définies au début du XXe siècle par le docteur Bach. Les Ouais. fleurs de Bach peuvent soigner certaines pathologies. Les fleurs de Bach Oui. correspondent chacune à un type d'émotion. Et les fleurs de Bach sont 39 au total. Une de ces quatre affirmations est fausse. Est fausse, ok. Donc, moi, je pense... Moi, oui. Il transforme les émotions, ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Enfin, en gros, En gros, c'est ça. Après, je crois que c'est la première qui me fait un peu... qui me fait un peu douter, quoi. Toi, t'en penses quoi? Il y Bah, a en encore pour fait, 2 heures. c'est ça. On va partir pour 2 heures de... Voilà. Mais non, Donner mais... question pour répondre faux, en fait, finalement, voilà. Le pire, c'est que j'avais fait des recherches... Ah, Après le live, je ça t'avait m'étais intrigué. documenté là-dessus, ouais. Ah ouais, Euh, d'accord, ouais, cool. ouais, ouais. Mais en fait, moi, peut-être je rebondirais plus sur soigner des pathologies. Ça les soigne pas, ça les... C'est pas vraiment des pathologies, ça les apaise, on va dire. Je sais pas trop comment dire. Oui, Parce ça que les correspondre à transforme des positif, émotions, soulage voilà. en fait. Ça les soulage. Enfin, correspondre à des émotions, ça c'est 100%, c'est OK. 39, je pense qu'elle a mis un chiffre. Je crois que c'est 38, non? Je sais plus. Et c'est vrai que 38, ça me revient. Mais je sais pas. Mais je pensais pas 39. Parce que soigner des pathologies, qu'est-ce que tu entends par pathologie? Pathologie. Du grec pathos, non, je plaisante. La souffrance, oui. Non, mais... Comme dépression, je sais pas. Ouais, c'est ça? C'est ça que tu entends par pathologie? Pour moi, une pathologie, c'est une maladie. Bah, Ouais, c'est mais ça ça, va en pas... fait, c'est rétablir, enfin, à mieux guérir, quoi, à soulager, quoi. Des pathologies, après, moi, je pensais, enfin, c'est vrai, ça, enfin, je pense que c'est autre chose, quoi. Non, parce que si c'est effectivement 38, comme tu dis, et qu'elle a mis 39, ça en fait une quand même de différence. Oui, mais c'est ça le piège. Et ouais, parce que bon, Peut-être. soigner des pathologies, moi, c'est le terme soigner qui me dérange un peu, parce que ouais, soigner, ça soigne, est-ce que ça soigne vraiment? Mais ça, D'ailleurs, en je fait, me suis ça. rendu compte que du coup, on avait utilisé le Rescue pour mon chat. Attends, voilà, c'est juste. Ah. Ouais, j'ai trouvé le Ah flacon, ouais. j'ai fait, mais attends, Rescue, Lou, Ah, il en c'est parlait la drôle. dernière fois. Et Ouais. ouais, si, ouais, on utilisait avec ma compagne Rescue pour Ruby. Voilà, Et voilà. alors, ça avait eu de l'effet? Fait effet? Bah, il me semble, oui, mais je sais plus du tout pourquoi. Bah, c'était justement à cause du. C'est un chat anxieux, tu vois, donc. D'accord. Donc on l'avait soigné avec ça. Je me suis pas permis Voilà. de rigoler, mais toi, tu rigoles. Ouais, complètement. Voilà. Donc si c'est 38 et pas 39, Allez. franchement. Ah ouais, t'es chaud? Bah allez hop, Donc, tu 4, as c'est bon. hâte de chanter. Bah ouais, mais Allez, allez, il faut allez. trancher, les amis. Bah parce qu'en fait, ça ne les guérit pas, mais ça, en fait, ça aide en fait à guérir. Parce que ça les rend, enfin, ça rend un esprit positif. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait. Enfin, que Oui, ça c'est aille mieux, ça. en fait. Donc, c'est ça, je ne sais pas. En fait, enfin, je ne sais pas, mais moi, On va dire que c'est 30, 39, la Ouais, chance. on va dire que c'est 39, mais alors franchement, si c'est ça, eh ben dis donc, Alice, c'est dur, hein. À quel point ouais, parce suis-je que. sadique? On le saura dans un instant. On part sur 39, il faut trancher. Alors, cri-cri. Je pense que la dernière est fausse, la 4. Ah, Assez? ok, donc Moi, je dis déjà que c'est c'est la un bon signe. première, je te vois bien inventer ça, la première, ouais. Et Claire? ouais, non. Connaissant Alice, je pense qu'il n'y en a pas 39, il y en a peut-être 40. Ouais, 40, c'est peut-être plus, hein, je sais pas. D'ailleurs, petite question en parallèle, est-ce qu'ils ont des... enfin, est-ce qu'il y a des fleurs qui peuvent se rajouter au fur et à mesure ou genre c'est fixe? Bah, a priori, c'est vraiment par rapport aux découvertes de Bach que toute cette philosophie, enfin, c'est de ça que D'accord. toute cette philosophie découle, donc je ne pense pas, mais peut-être qu'il y a des courants alternatifs qui se créent, mais je ne sais pas. Ok. Alors, du coup, Astrée. Moi, je pense pas que Alice aurait fait un truc si fourbe de mettre 38 au lieu de 39. Non, non, Ah, merci Astrée. Astrée est plus clémente à mon égard. heureusement que vous jouez pas à qui veut gagner des millions parce que vraiment, ce serait très très long l'émission. Ah bah ouais, c'est ça. Avec nous, oui. Y aurait des queues de partout, ce serait l'enfer pour les producteurs, je suis sûr. Et en même temps, on ne peut pas comparer un petit enjeu comme un petit million à gagner avec cet Un enjeu poème. phénoménal de devoir rédiger un poème. Donc je pense qu'il serait quand même plus rapide sur qui Ouais, veut c'est gagner. ça. Ouais, mais dans 5 minutes, je vais aller me chercher du rescue à la pharmacie. Hein. Y a trop de Bah, stress là. demande à ton chat, On il en va a peut-être chercher à des fleurs de Bach après quand même. Ah, ceci dit, c'est vrai, je peux piquer celui de mon chat. Bah oui, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Je pense pas non plus. Sérieusement, c'est le même. Ils n'ont pas fait une ligne pour animaux, Tu c'est crois? T'es le même sérieux? flacon. Pour moi, c'est que ça s'adresse à tout être vivant, si je puis dire. Mais du coup, oui, je pense pas que. Ouais, Mais mais peut-être peut-être. qu'une marque s'est introduite dans le marketing de ça, a fait un peu de. Ouais, un packaging un peu félin ou que sais-je. Bon. Ok, Possible. alors, L au carré, qu'est-ce que vous en pensiez? Qu'est-ce que vous en pensez, pardon? Moi, N'importe je pense quoi. que c'est très pour baisser les francs. Ah, Et voilà, on se rejoint. Merci, Louis. moi, j'ai eu le temps d'oublier Léa? les réponses. C'est Bon, c'est Marie. pas grave, Léa. Je me Tu rappelle sauras juste c'est après. terrible. Eh bien, au risque de décevoir Claire, je n'ai pas été si sadique. C'était bien la B, la fausse. Ça ne soigne pas des pathologies. C'est ce sur Ah. quoi Nathalie avait vraiment insisté la dernière fois. Ça ne soigne pas. C'est fait pour accompagner Eh le ouais. traitement d'une maladie. Et c'est fait pour que on apprenne à. Enfin, qu'on progresse au niveau de notre bien-être, notamment. Voilà. La philosophie Félicitations. derrière les fleurs de Bach, c'est que si on se sent bien dans notre corps, on sera plus fort pour lutter contre une maladie au mieux. Eh ben tu vois, maintenant que tu le dis, ça me revient. C'est marrant, ça. Et en Pourquoi ça fait, revient pourquoi plus maintenant? 39? Pourquoi que 39? Parce qu'il y a 38 fleurs de Bach, mais Rescue, selon les propos de Nathalie, a été considérée comme la 39e parce que c'est un mélange. C'est la seule qui est un mélange de plusieurs fleurs. Donc D'accord. j'avoue, c'est un petit peu tricky, mais c'est Nathalie, la spécialiste, qui l'avait dit. Et je l'ai republié dans une story. Donc voilà, il y avait possibilité de rattrapage. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah, aïe. ça, c'est de la triche. Ça, c'est pas bon, ça. En tout Ah, cas, ça vous franchement. fait un point de retard. Où en est ton poème, Ah. du coup, Steven? Première ligne, Problème. première lettre, ça commence par un L. Voilà, Ah, fini. bien, bien vu. Alors, peut-être que la chanson Je de peux pas Dorothea m'étendre va cette t'inspirer dernière dans la réalisation de ce poème, puisque là, nous allons avoir une nouvelle chanson par Dorothea. Du coup, sur Instagram, vous aviez voté pour la chanson Jalousie de Angèle. Tout à l'heure, on a eu Ta reine de Angèle, et là, on enchaîne avec Jalousie cette fois-ci. Donc, Louis, Steven et Léa, on va pouvoir couper nos micros, s'il vous plaît. Je vous rappelle Mais... qu'on est à 3 points pour L au carré contre 2 points pour Stevofea. Donc, tout est encore possible. Oui. Et Dorothée, si tu es prête? Yes. On est quand même les meilleurs. Alors, Hein. Oui, je... on est quand même serré, serré. Hein. Tout à fait. On écoute juste le commentaire d'Astrée, puis après, c'est à Un toi. point de retard et un point tout court, d'ailleurs. Non, non. 2 points. 2 points quand Voilà. même. Mais dis donc. Alors, c'est parti, je coupe mon micro, c'est à toi, Dorothea. Jalousie, jalousie. Nuance avec parano, t'es pas grand-chose, mais Pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Photo jalousie me dit qu'elle est belle, te veut, je crois, ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, écrasant les premières étincelles. Jalousie, c'est pas rien, tu nous rends malade. Oh, quand le doute roule sur nos épaules, quand on a nos têtes et prend un rôle, c'est là que tu agis. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle te veut, je crois, ça se voit. Elle est là, elle est là. Jalousie, jalousie. Tu ne tues. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est elle te veut, je crois, ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, mais c'est qui cette fille dont tes messages? Jalousie me dit qu'elle est seule, qu'elle est seule. J'ai peur que tu l'aimes, jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Jalousie, jalousie. Bravo! Ah, c'est joli. J'adore ton chat, il customise. Je chante trop bien. Bravo. Ouais, t'as une très belle voix. Un peu foiré, je suis désolée. Ouais, bah, peut-être que ça permettra, en cas de défaite de L au carré, de, une première, une petite vanne dans leur poème, qui sait. Non, je plaisante, j'ai pensé à ça quand tu le faisais. C'est vraiment très joli et c'est vraiment cool. Bravo. Vraiment cool de chanter pour nous. Moi, je suis bien contente. Ouais. Trop beau. Alors, on a du coup Astrée. Si vous voulez, la prochaine fois, je peux chanter aussi. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Franchement, c'est vraiment bien. En plus, elle a l'air difficile à chanter, la chanson. Bien, ouais. J'avoue. Merci beaucoup. C'est clair. Plaisir. Merci. Bravo, Dorothée. C'est magnifique. Oh. Je propose qu'on rajoute 2 points supplémentaires à ton équipe. 100%, on est courageux, on est bien brave. Allez, à toi, Steven. Écris, au clair de la nuit. Bravo, Dorothée. C'est très joli. Alors, c'est Dorothée, mais on prend le compliment. Merci. Mais de vrai, c'est Daria, en vrai. Par contre, si Astrée pouvait s'abstenir, voilà, ce serait pas mal. Oui, et tu préfères qu'on t'appelle Daria, parce que moi, je me suis entraînée à Dorothée, Stevofea, mais alors là, s'il faut non, mais changer de prénom, dis-le-moi. Hein. Daria, c'est plus simple. Ah oui, oui. Bon, moi, je me suis habituée. Mais oui, parce que Dorothée, c'est un nom... Enfin, quel est ton prénom sur ta pièce d'identité? Non, c'est Daria sur la pièce d'identité. D'accord. Dorothée, c'est sur... c'est sur... c'est venu comme ça, je ne sais pas. Ça est venu de Daria. Ah, d'accord. Voilà, et comme ça. Et puis, du coup, c'est venu comme ça. Ouais, c'est poétique. Ouais. Allez, nous passons maintenant. Encore merci, hein, Dorothée, Daria. Moi, mais de rien. Je suis merci, vraiment fan. Bien. J'aime bien. J'aime beaucoup quand tu chantes. C'est trop cool. Et, chers auditeurs, nous aurons pour conclure une chanson en russe. Et ça, c'est très sympa. Oh, ça, c'est stylé. Ah oui, oui. Ouais. Et du coup, là, on enchaîne sur notre partie 2. On va essayer quand même d'accélérer un petit peu puisque nous sommes déjà à 22h30. Je pense qu'elle sera plus rapide, celle-ci. Donc là, c'est les auditeurs vous imaginent. Avec une dimension quiz encore, hein, puisque vous m'avez tous les quatre donné deux anecdotes de vos vacances, une anecdote drôle et un truc moins drôle qui vous est arrivé. Et dans Beauté Imaginée, j'aime bien l'idée qu'on raconte un peu avec transparence son approche de la beauté. Donc, ces anecdotes vont dans ce sens de la transparence. On découvre un peu de l'univers de nos invités. Qu'en pense Astrée? Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'auditeurs pour imaginer. Mais je m'en chargerai. Je m'en chargerai. C'est, heureusement, nous avons encore Juliette, mais qui n'est pas vraiment présente. Astrée, Claire, Cricri et Laurie. Merci à toutes les cinq. Du coup, équipe par équipe, vous devrez deviner à qui, dans le duo adverse, chaque anecdote correspond. Et là, c'est un demi-point par bonne réponse. D'accord? Chers auditeurs, devinez également. Et du coup, nous aurons ensuite la révélation. Donc, je vais d'abord demander, s'il vous plaît, à Léa et Louis de couper leur micro. Oui. Et du coup, nous allons faire deviner des anecdotes concernant Léa et Louis. Alors, vous êtes prêts, Steve ou Féa? Ouais. Voici les quatre anecdotes de vacances et vous devez deviner... désolée. Alors, vous devez deviner du coup s'il s'agit plutôt de Louis ou de Léa. Je vous dis les quatre et après vous vous positionnez, d'accord? Il y en a deux par personne, en fait. Cet okay. été, je suis partie en road trip seule, sur un coup de tête. Du coup, j'ai finalement passé mon temps au téléphone à demander à mes proches de me conseiller des endroits où aller. Cet été, je me suis fait piquer par une guêpe, alors que je suis allergique. Et comme j'étais dans un trou paumé, on a dû partir en voiture pour atteindre une pharmacie. Cet été, je me suis mis au jet ski et comme beaucoup de nouveaux, je suis tombée. Mais moi, c'était à l'arrêt. Cet été, je suis partie en camping. Les salles de bain étaient tellement sales que j'ai dû me laver plusieurs fois dans les bois, à l'abri des regards. Eh ben, tu vois, je sais pas. C'est bien, Steven. C'est bien. Pourquoi je suis en ouais. équipe avec toi? Ah bah tiens, je me le demande. Hein. Je fais tout. Là, le coup du jet ski. Ouais. Non mais le coup du jet ski, c'est peut-être Louis. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je dirais plus jet ski. C'est quoi ça déjà? Jet ski, c'est le véhicule. C'est ça, hein? Je ne vais pas passer pour un débile, mais... Oui, c'est ça, c'est le véhicule... Ouais, c'est comme un scooter de ouais, mer. C'est ça. Exactement. Ouais, je vois plus lui. Le coup de pas de bol, quand même, de la guêpe, je sais peut-être Léa. Le coup de partir sous un coup de tête, c'est peut-être Louis. Et la dernière anecdote, je ne sais plus. Alors, attends, je vous répète tout inverse, mais... Ouais, et comme ça, on décide au fur et à mesure. Parfait. Cet été, je suis partie en road trip, seule sur un coup de tête. Du coup, j'ai finalement passé mon temps au téléphone à demander à mes proches de me conseiller des endroits où aller. Peut-être, qu'est-ce que t'en penses, Léa ou Louis? Louis, ouais, moi aussi. Pardon? Louis. Pour la première fois, je pense. Oui, on pense. Cet été, je me suis fait piquer par une guêpe alors que je suis allergique. Et comme j'étais dans un trou paumé, on a dû partir en voiture pour atteindre une pharmacie. Moi, je pense que c'est Léa. Je ne sais pas. Ou Louis, parce que ça peut être les deux. Mais Ça peut être c'est complètement les deux. Ça peut être Louis qui s'est paumé dans un endroit et qui, du coup, s'est fait piquer. Et en fait, cet endroit a été conseillé par des amis. Tu vois, c'est le cheminement, en fait. Donc, c'est peut-être Louis aussi, tu vois. En disant oui, c'est oui. Pourquoi pas? Et du coup, Léa, c'est du jet ski, elle est partie au camping. Ouais, c'est ça. Allez, chaud. Partie. Donc ouais. Là, ce Donc, serait Louis. Louis, Léa. Cet été, je me suis mis au jet ski Et comme beaucoup de nouveaux, je suis tombée. Mais moi, c'était à l'arrêt. Donc là, ce serait Léa. Et dernière, cet été, je suis partie en camping. Les salles de bain étaient tellement sales que j'ai dû me laver plusieurs fois dans les bois, à l'abri des regards. Et là, donc, ce serait Léa. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'elle nous explique comment elle fait pour tomber d'un des skis à l'arrêt. Ah, ou peut-être que Louis se chargera d'expliquer ça. On va voir ça dans un instant. J'ai bien enregistré vos Peut-être, réponses. peut-être. On va voir ce Merci, que merci. Cricri en pense, chers auditeurs. Moi, je dirais Léa Jetski et Louis pour les trois autres. Ah Ah, ouais, Cricri d'accord. n'a pas tout à fait compris qu'il y avait deux chacun. Mais d'accord. Jet ski, en tout cas, Léa. Bah, Léa, je ne sais pas comment tu le prendras. Du coup, est-ce que nos chers auditeurs veulent se lancer sur ce coup-là? Donc, Juliette Astray, Claire, Cricri, Laurie et Sexeur. Salut, Sexeur. Alors, on a Cricri qui reprend. Et alors, la guêpe, la piqûre de guêpe, ce serait Léa. D'accord. Ok, 200%, ouais. Est-ce que Claire, tu es d'accord avec ça? Léa, guêpe et camping. Ah, donc là, il y a une partie d'accord avec vous. Et Laurie? Moi, je dirais que Léa, elle est tombée en jet ski à l'arrêt. Ça lui va bien, je trouve. Eh bien, révélation, Léa au carré, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Cet été, je suis partie en road trip seule sur un coup de tête. Du coup, j'ai finalement passé mon temps au téléphone à demander à mes proches de me conseiller des endroits où aller. Qui? Faut dire là, du coup, vous Elle dites. au carré, voilà, celui à qui ça correspond Moi, s'exprime. terrible. Mais c'est pas moi, du coup, enfin, c'est qui? C'était moi, Ah, D'accord, ok. Tu peux nous en dire plus ou nous donner un exemple? Rapidement, jusqu'au. Et bah, en fait, Imagine. la voiture, et du coup, je voulais aller à peu près, je savais à peu près où je voulais aller, mais je n'avais pas de destination prédéfinie. Et du coup, sur le chemin, j'ai appelé mon entourage pour justement avoir des petits spots, des endroits sympas à visiter. Et ils en ont eu marre ou pas que tu les appelles? Un peu, ouais. C'est marrant. J'avoue que oui, j'aurais pas osé partir à l'improviste comme ça. Mais oui, t'as bien aimé du coup ou tu préfères Ah, à la prochaine fois tu planifieras? franchement, j'ai adoré l'imprévu. Je pouvais vraiment aller où je voulais, quand je voulais. J'avais vraiment pas de contraintes et ça, super. Ah ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Ça change du quotidien et tout. Alors, cet été, je me suis fait piquer par une guêpe alors que je suis allergique. Et comme j'étais dans un trou paumé, on a dû partir en voiture pour atteindre une pharmacie. C'était moi. Léa? Eh Ouais. oui. Voilà, pas Alors, très tu rigolo. t'es fait piquer où? Au bras. Et ouais, du coup, c'était pas très drôle puisque comme je suis allergique, enfin, j'avais rien sur moi, il fallait que je prenne des médicaments et tout. Et du coup, Ah Astrid ouais. m'a gentiment amené à la première pharmacie. Astrée gentiment dans la côte à côte. Voilà. Je plaisante. Ah oui, d'accord. Mais du coup, vous êtes arrivé à temps et ensuite il suffit Oui. de quoi une pommade dans ces cas-là? Bah, du coup, non, enfin, j'avais pris un aspirine-venant, mais c'était un peu trop tard. Et sinon, Ah j'avais des d'accord, ouais. médicaments puisque je commençais à plus trop déglutir. Enfin, j'avais un peu du mal à déglutir. Ok. Et du coup, enfin, ça gonflait un peu, quoi. Du coup, c'était pas Ah le top, ouais, mais ça hyper allait. stressant. Ouais, un peu quand même. Oh là là. Ok. Alors, bah, Astrée va donner sa version de cette anecdote. Ouais, je précise que j'étais en train de bronzer tranquille et que Léa arrive en me disant vite, vite, faut aller à la pharmacie qui était à 25 minutes en voiture. On était dans un vrai trou ouais. paumé. Ah ouais. Ah, non, très stressant, j'imagine. Bon, bah, merci d'avoir partagé ce moment qui a dû être assez. Ouais, bah, au moins, vous en souviendrez. Mais Ouais, c'est ouais, ça. assez Il aurait fallu prendre désagréable. du rescue. Comment? Pour ce moment angoissant, il aurait fallu prendre du rescue. Ah oui, ouais, au moins, c'est sûr. Terrible. Cet été, je me suis mis au jet ski et comme beaucoup de nouveaux, je suis tombée. Mais moi, c'était à l'arrêt. C'est toujours moi. Donc là, vous Ouais, un peu là, d'ailleurs, Alice, tu as aviez vu précisé que j'avais déjà Non, je fait. voulais que tu le précises toi-même. Ah, parce que la honte, c'est que j'en ai déjà fait. Donc, Ah, qu d'accord. encore plus, j'étais pas novice. Non, non, bah, D'accord. j'ai pris ma propre vague, mais à l'arrêt. Et du coup, bah, le jet ski s'est vraiment retourné. C'était C'était sympa. Et j'ai bu une tasse, une... enfin j'ai bu la tasse de pétrole, c'était plutôt cool. Oui, ça, c'est voilà. Vrai que je n'avais pas réalisé. En fait, à l'arrière, évidemment, il y a du pétrole qui est déversé dans l'eau. C'est ça. Et toi, tu es tombée là. Ah ouais. C'est ça. Ah. Ouais, en gros, le jet ski s'est renversé et je suis tombée. Alors, vraiment, c'était nul parce que c'était très lent. Alors, c'est à l'arrêt, quoi. Donc... Ouais. Voilà. Bon. T'as de chance. Ouais, c'est ça. Et cet été, je suis partie en camping. Les salles de bain étaient tellement sales que j'ai dû me laver plusieurs fois dans les bois à l'abri des regards. On l'a compris, c'était donc Louis. Moi, ouais. Alors, c'était où ce camping? Alors, c'était en fait quand j'étais dans le Jura, du coup, j'ai été voir dans plusieurs campings. Enfin, j'ai fait plusieurs campings dans le Jura. Et les toilettes étaient clairement. Et tout ce qui était douche était vraiment pas propre du tout. Du coup, j'ai décidé, comme j'avais une douche solaire dans mon coffre de voiture, j'ai pris du coup des douches. Voilà. Une douche solaire? Oui, alors c'est, en fait, si tu veux, c'est une espèce de grosse pochette plastique avec un fond noir et le dessus transparent. Et en fait, tu le laisses au soleil et c'est la chaleur du soleil qui va. Ah, d'accord. Ah, trop génial. Bien. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre transparence sur ces anecdotes, L au carré. C'est vous qui allez prendre le relais pour imaginer. Oui. Quelle anecdote correspond à qui dans le duo Stevofea? Stevofea, du coup, vous avez 3 points. Vous êtes à égalité avec L au carré. Il faudrait que L au carré se trompe partout. Ah ouais. Que vous dépassiez. Du coup, enfin, pour que vous soyez à égalité. Bon, c'est vrai que là, c'est pas évident. Il y aura une dernière question dans cette manche hein, juste après. Donc, tout n'est pas encore joué. L au carré, c'est parti. Chers auditeurs, n'hésitez pas à imaginer s'il s'agit plutôt d'une anecdote concernant Dorothea ou d'une anecdote concernant Steven. Alors, voici les 4 anecdotes. Cet été, j'ai acheté un meuble à chaussures pour que mon chat arrête de les détruire. Il lui a fallu seulement 30 minutes pour réussir à s'introduire dans le meuble. Cet été, je suis partie à l'étranger et ma carte bleue ne passait nulle part. Heureusement que je n'étais pas partie seule. Cet été, la veille d'un repas à la maison, je prévois une soirée tranquille, en amoureux. Sauf que le frigo est blindé. Et quand je vais checker le gâteau qu'on servira le lendemain dans le frigo, je me rends compte que le frigo est carrément pas assez froid. À 22h, on a dû donc tout apporter chez mes parents en voiture. Adieu, la soirée tranquille. Oh, cet été, je suis allée dans un parc aquatique. Dans un toboggan, on était censé descendre et avec l'élan, passer une montée. Sauf qu'arrivé en bas, on a réussi à monter, mais que d'une partie, puis on est retombé en arrière. J'ai pas compris la dernière. Tu peux répéter? Alors, cet été, je suis allée dans un parc aquatique. Dans un toboggan, on était censé descendre, puis avec l'élan, passer une montée, remonter. Sauf qu'arrivé en bas, après la descente, on a réussi à monter, mais que d'une partie, puis on est retombé en arrière. Ce n'est pas le principe. Oui. Ok, très drôle. Alors, moi, j'aurais dit Steven, Dorothea, Steven. Non, Steven, Dorothea, Steven, Dorothea. Voilà. J'aurais pensé la même chose. C'est vrai? Ah, cool. Ouais. On est d'accord. Est-ce que vous en fait, souhaitez que je relise une fois? C'est qu'on est tout le temps d'accord. Tout à l'heure, on a eu un indice tout à l'heure avec le chat de Steven. C'est ce que je me suis dit, ouais. Ah, alors, vous avez entendu qu'il y a un chat qui a participé lors de la chanson de Dorothea. Ah, c'est vrai. Mais je ne veux pas influencer. Hein, mais... Oui, c'est vrai. Oui, mais comme il a dit que son chat était un peu nerveux, je me dis. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu plus collé. D'ailleurs, Léa, toi aussi, tu as un chat? Oui, c'est ça. Et Louis, est-ce que tu as un chat? Alors, non. Ah, non. Bon, on n'est pas sur un nouveau point commun. Comment? J'ai eu des perruches. Ah d'accord, très bien. Très bien, très bien. Du coup, vous souhaitez que je... Peut-être que je vais répéter une fois. Allez, vas-y. Cet été, j'ai acheté un meuble à chaussures pour que mon chat arrête de les détruire. Il lui a fallu seulement 30 minutes pour réussir à s'introduire dans le meuble. Cet été, je suis partie à l'étranger et ma carte bleue ne passait nulle part. Heureusement que je n'étais pas partie seule. Cet été, la veille d'un repas à la maison, je prévois une soirée tranquille en amoureux. Sauf que le frigo est blindé. Et quand je vais checker le gâteau qu'on servira le lendemain dans le frigo, je me rends compte que le frigo est carrément pas assez froid. À 22h, on a dû donc tout apporter chez mes parents en voiture. Adieu la soirée tranquille. Cet été, je suis allée dans un parc aquatique. Dans un toboggan, on était censé descendre et avec l'élan, remonter, passer une montée. Sauf qu'arrivé en bas, on a réussi à monter un peu, mais que d'une partie, on est retombé en arrière. Vous C'est trop maintenez? drôle, quoi. Ouais, Steven Ouais. Dorota, Steven Dorota. Ouais, moi aussi, je maintiens. La dernière histoire. Alors, on a Cricri et Astré qui vont deviner aussi. Je dirais 1 et 3 pour Steven et 2 et 4 pour Dorothea. Donc, même avis que vous, Astré. Bon, déjà, je vote pour Steven pour le chat. Ok. Ouais, le deuxième, la carte de crédit d'Orophéa aussi. Et ensuite, je vois bien. Moi, je pense que c'est Dorothea qui est allée chez ses parents et Steven le toboggan. Ah, Astrée n'est pas d'accord sur la deuxième partie. Laurie? J'aurais dit la première Steven parce qu'il y avait une histoire de chat. Et après, Dorothea et Steven. Ah, comme Astrée. Ok, merci Laurie de participer. En tout cas, c'est cool. Donc, révélation. Alors. C'est vos féas, je relis la première anecdote. Cet été, j'ai acheté un meuble à chaussures pour que mon chat arrête de les détruire. Il lui a fallu seulement 30 minutes pour réussir à s'introduire dans le Alors, Steven, c'est toi ou pas? meuble. Évidemment, c'est Robbie, hein, ouais. Le seul et l'unique, quoi. Il a défilé des chaussures. Bah, il check tout ce qui rentre dans l'appartement et ce meuble n'a pas échappé à sa vigilance aiguë. Et du coup, on s'est dit qu'on était tranquille, puis à peine hein, 10-20 minutes plus tard, on a vu une queue dépasser du meuble et c'est qu'on a capté qu'il était dedans. Ah là là. Mais tu sais, il faut prendre comme pour les enfants là, les sécurités qui empêchent d'ouvrir les tiroirs et Ouais. les placards. Vous avez essayé? Ouais. Ah, du coup. Bah, en fait, je sais pas combien de temps ça durait. Le meuble n'est pas. Ah On a ouais. pris un meuble chaussure, pas non plus des milliers de cents. Donc, il y a une partie toilée, il y a une partie. Ah voilà. Tout est Ah ça, il a dû fermable, tu vois. adorer. Mais ouais, il kiffe, hein. Il adore ça. C'est Donc, son c'est nouveau mort, en meuble en fait. fait. Ah ouais, Ouais, d'accord. ça. Et pourtant, il a juste son coussin à côté. Enfin, vraiment. Là là. Voilà. De quoi? Et du coup, c'est quoi son petit nom? Il Ah s'appelle oui. Roby, héros Ah, de BY. Et il est tout roux. cool. On avait posté une photo de Robbie lors du live sur les solaires. Si vous voulez voir Ah ouais. le chat J'irai Robbie, voir. du coup très mignon, mais qui est un peu Regarde ça. diabolique aussi, si on comprend bien. Alors, Exactement, deuxième oui. anecdote. Cet été, je suis partie à l'étranger et ma carte bleue ne passait nulle part. Heureusement que je n'étais pas partie seule. On a juste Astrée qui intervient Du avant la coup, il aurait révélation. fallu l'appeler Ruby s'il est roux. Et bah, dis-toi qu'il s'appelle Roby parce qu'en effet il est roux et le reste je sais plus ce qu'on s'était dit déjà. Mais ouais, c'est ça, ouais. Mais Roby c'est pas mal. Roby c'est pas mal, j'avoue, c'est Ah. vraiment bien. Puis ça ressemble à rubis, donc il y a un côté précieux un petit peu. Ouais, Un rubis à l'espagnol. ouais. Prononcé à l'espagnol. Alors, à qui correspond cette anecdote de la carte bleue qui ne passait nulle part à l'étranger? Alors, C'est qui? c'est Que le coupable se moi. dévoile. Ah là là. Ah là là. C'était compliqué parce qu'en fait, ça, je comprenais pas pourquoi elle était bloquée. Voilà, c'était un peu relou, surtout quand je pars en Bah vacances. oui, c'est sûr. Et en fait, apparemment, il y avait des opérations bizarres sur mon compte. Et du coup, bah, la banque a préféré de la bloquer. Ah, Super. d'accord. Ah ouais. Donc voilà. Un beau début de vacances. Ah ouais, c'est sûr. Pas C'est pour cool du ça, c'est tout. important de prendre le liquide toujours. Ah ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Bah En oui. plus du test PCR et du pass sanitaire aujourd'hui, prenez du liquide quand vous partez à l'étranger. C'est Alors, il y ça. a Astrid qui réagissait à Ruby, je crois. Peut-être qu'il est roux et qu'il est bi. Personne Bonne n'a osé question, faire très très bonne question. cette vanne. Mais c'est Alors sûr, ils qu'il sont deux est. dans sa tête, ça c'est sûr. Ah, voilà, d'accord. J'allais dire, il est peut-être un peu roux et blanc, et donc il est bi-roux, bi-blanc, ou quelque chose comme ça. Bon. Bref, du coup, troisième information, cet été, la veille d'un repas à la maison, je prévois une soirée tranquille en amoureux, sauf que le frigo est blindé. Quand je veux checker le gâteau qu'on s'avère le lendemain dans le frigo, je me rends compte que le frigo est carrément pas assez froid, et à 22h, on a tout apporté chez mes parents. Allez. Qui Bah, c'est moi qui ai vécu cette malheureuse mésaventure. C'était quoi comme gâteau? Je n'y ai pour rien. C'était quoi? C'était un tu sais gâteau pas à la fraise. Mais tu sais pas, peut-être qu'il l'a ouvert. Alors, je l'ai déjà vu ouvrir le congèle et, et il a flingué du coup les courses qu'il y avait dedans, c'est ça? Ah là là. Elle coûte cher, hein, je te dis. Ah ouais. Si je fais le calcul de tout ce qu'il a pété, flingué, monopolisé, bref. Écoute. C'est pour ça que tu lui avais fait un compte Instagram, t'espérais qu'il vous rapporte un peu. Exactement, exactement. En tant qu'influenceur. Tout à fait, on commençait à avoir des petits sponsors, on s'est dit avec ma compagne, ah ouais, c'est bon, ça y est. Mais non, c'est que pour lui, donc pas très intéressant, quoi. Ouais. Ah là là. Mais oui. Du coup, ouais, bah pas cool en effet. Non, puis ça coûte cher. Vous parce avez que, du dû. Coup, bah oui. Ah, ouais. Ah, tout était foutu. Le frigo. Bah en fait le frigo, on a essayé de le relancer. Enfin c'est un réfrigérateur congélateur et il faisait du bruit mais pas de froid du tout. Donc voilà. Ah ouais. Hein, c'est mort mort mort et après tu vas à but pour chercher un nouveau réfrigérateur. Bah oui. Voilà. Ouais. Voilà. On enchaîne avec la dernière du coup affirmation. Pour l'instant, c'est un sans faute et donc a priori c'est un sans faute jusqu'au bout. Sauf si on suit la logique mathématique de Cricri. Cet été, je suis allée dans un parc aquatique, dans un toboggan. On était censé descendre et ensuite remonter, mais nous, on a commencé à remonter, puis on est retourné en arrière. Parce qu'on est trop légère. Ah ouais. On était deux avec ma sœur et du coup, bah c'est en fait. Tu te mets dans une roue, en fait. Tu as deux personnes et du coup, après, tu glisses et tu pars, en fait, et tu tombes verticalement, en fait. Vraiment, tu tombes bien et puis tu remontes. Sauf qu'en remontée, il y a de l'eau en plus et on s'est relevé un peu et du coup, on est reparti en arrière. Ah là là. Donc, mais c'était cool, c'était drôle. Mais oui. C'est parce qu'en fait, la queue, elle était tellement lente. Enfin, il y avait tellement de gens qu'on se dit, bon, bah, tant pis. Du coup, voilà, quoi. Tant pis, on continue pas, c'est ça? Bah, je l'ai fait deux fois avec mon copain. Avec mon copain, c'est bien passé parce que, bah, voilà, il était. il est trop lourd. Voilà. Et avec ma soeur, non, en fait, voilà, ça n'a pas passé, mais bon. Mais la première fois, j'ai trop chié, en fait. Je me suis chié dessus, en fait, parce que c'est tellement haut et tu tombes vraiment, en fait. T'as l'impression de tomber. Ça fait vraiment peur. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Oh là là. D'accord. Ah oui, je visualise pas trop. Tu m'enverras une photo, je vois pas trop bah, comment... J'ai mis une vidéo, je crois, sur Instagram, en plus. Une de mes stories, je crois, je l'ai postée, en plus. Mais je le verrai, ce moment... Mon copain qui nous filmait et puis on était très contents. Ah et puis finalement, c'était raté en fait, voilà. Ah d'accord, ah, trop drôle, ça a été filmé en plus là-bas. Bah oui, ouais. Mon copain il est filmé en plus. Donc, on veut bien voir ça. Bon bah, du coup, nous sommes à 5 points pour Hello Carré contre 3 points pour Stavo Féa. Merci en tout cas d'avoir partagé vos vacances avec nous. Là, c'est vrai que l'écart est quand même assez important parce que nous avons donc une dernière manche. Mais juste avant, je vais poster la photo de vous tous enfants, puisque vous le savez, on poste toujours une photo mystérieuse de mon bel invité dans les lives. Et là... On s'est dit, enfin, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de vous avoir tous mignons, mais enfants. Donc, hop, c'est parti, chers auditeurs, n'hésitez pas à deviner de qui s'agit-il. Vous avez les photos sur Instagram, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Et on enchaîne, nous, avec notre dernière manche. Donc là, vous m'avez révélé quel était le produit de beauté qui vous avait le plus déçu. Est-ce qu'on fait un point? C'était normalement 0,5. Qu'est-ce que vous en pensez, L au carré? Est-ce qu'on laisse une chance à Stéphane de remonter davantage en disant qu'il y a un point par question ou vous ne voulez pas la jouer comme ça, vous méritez votre victoire et on n'en parle plus. En vrai, c'est plus drôle de rajouter du challenge. Ouais. Donc on dit et qui sait, ça va peut-être creuser davantage l'écart en plus. Donc ok, on va dire un point par question. Stéphéa, vous allez deviner donc elle au carré. Vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît. Hop, voici l'affirmation. Je pensais. Donc c'est vous devez dire Stéphéa s'il s'agit plutôt de Léa ou de Louis. Je pensais acheter une base glissante qui était censée flouter les pores de la peau, qui promettait un rendu Photoshop avec une peau toute lisse. Et en fait, c'était complètement l'inverse, ça marquait chaque imperfection. Deuxième affirmation, j'ai testé plusieurs shampoings solides différents. Ils sont supposés être meilleurs pour les cheveux, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'ai trop besoin de l'effet moussant, du toucher doux et lisse sur mes cheveux. Donc, aucun ne m'a convaincue pour le moment. Pour les shampoings, je pense que c'est plutôt Léa, moi je dirais. Ouais, pareil. D'accord. Je me souviens plus qu'elle en avait parlé pendant un live. Et pour la première chose, c'est pour lui, je pense. Enfin, de toute façon. Ah oui, je pense aussi que c'est pour lui, ouais. Mais ne soyez pas si dépité, j'entends vos petites voix là. Non, non, mais 100%. Parce qu'on réfléchit trop et perdant là, d'avance. Oui. Ah là, maintenant, il y a de la pression. Hein. Bah ouais. Là, je vais commencer à écrire le premier mot du poème. Voilà, oui, là, il faut d'autres lettres à ce fameux L. Alors du coup, est-ce que nos auditeurs veulent se lancer? Et puis, L au carré, vous allez pouvoir revenir. Alors... Cri-cri, merci Cri-cri. Je pense comme Steven et Dorothée. Ok, parfait. Merci Cri-cri. Alors, elle au carré. Bravo. Donc là, nous sommes à 5 points. Donc, nous sommes à égalité. Roulement de tambour. Je n'ai pas de tambour chez moi. Où ça chauffe. Oh là là là là. Du coup, on va enchaîner. Est-ce que vous voulez nous en dire davantage ou bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus à raconter. Hein. Du coup, on enchaîne avec maintenant Elle au carré qui devine, Stéphéa qui coupe leur micro, s'il vous plaît. Hop, pas d'indice comme ça, merci. Et du coup, voici les deux produits de beauté qui ont déçu Stéphéa. Pour lutter contre les pellicules, j'ai testé un shampoing Head & Shoulders qui m'a donné en fait encore plus de pellicules et en prime des rougeurs. Pour un cadeau, j'ai décidé d'acheter une grande palette de maquillage. À l'ouverture, elle était en fait toute cassée. Moi, je dirais la 1 Steven et la 2 Dorothée. Pareil. Oh là là, on est trop d'accord, Louis. Ça va pas. C'est clair. C'est clair. J'ai pas entendu, tu dis quoi? À moins que Steven mette du maquillage. Non, mais tu as entendu un cadeau. Voilà, pour un cadeau, j'ai décidé d'acheter une grande palette de maquillage et à l'ouverture, elle était en fait toute cassée. Ah. Ouais, non, mais je reste là. Ouais, moi aussi. Je pense. Chers auditeurs, alors. Une inspiration. Allez, on attend un petit commentaire et ensuite on dévoile qui est encore parmi nous. À 22h53. Juliette, c'est cri-cri clair quand même. Tu en vois un, toi? Moi, je ne vois pas de message pour l'instant. Quand je clique dessus, il n'y a rien. Mais j'ai la notification comme ça. Ok. Ah mince. Bon, j'ai pas entendu le bruit, je pense pas. Bon, je crois qu'on va, révéler. Du coup, Stéphéa, pouvez-vous vous remettre vos micros et nous révéler si yes. Vous avez le même nombre de points ou pas. Ah, juste avant, ce suspense insoutenable. Astrée s'exprime. Je pense que c'est Steven qui a fait le cadeau avec la palette. Ah. Une sacrée inspiration pour Astrée. Pour finir. Alors, révélez-nous. Je t'en prie. De Raphaël. Qui écrira ce poème? Ouais. Pas moi, hein, en tout cas. Non, mais je pourrais écrire. Ouais. C'est qui? C'est moi. J'ai pas compris. C'est moi. Ah, c'est vous? Non, Evan Schroeder, c'est bien moi. Yeah. Ah. Ouais. Bah oui, parce que c'était facile parce que moi, en tant que coiffeuse, j'achèterai jamais Ed Schroeder. Ah oui, je voilà. Même ouais, mais ça. On pouvait croire que c'était avant ta carrière, pourquoi pas? Ouais. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, en même temps, tu aurais pu vouloir parler absolument d'un shampoing que tu avais trouvé oui. Vraiment mauvais, tu vois. Non, je pense ouais, que oui, nul, je pense ça pouvait oui, le ça faire. Peut me perturber, bien sûr, oui, et que la palette, oui, en cadeau, voilà. Ouais, j'ai aidé, j'ai écrit qu'elle était en cadeau alors qu'elle n'était pas en cadeau. Ah oui. Après. Malgré ça, vous n'avez pas été dupe. Non, bravo, trop hein. Facile pour vous, vous avez surfé sur tout le truc. Ah ouais. Je me sens un peu voilà. Lésé. Oui, tout à fait. Oh là là. Bon, alors du coup, je vais. Non, vous avez un peu éclaté. Ouais, un peu, ouais. Un oui, peu. Parce que là, du coup, ça a creusé l'écart. Vous êtes à 7 points contre 5. Oui. Et je révèle votre gel douche du moment. C'est l'idée de produits cosmétiques que je voulais partager avec les auditeurs pour avoir un produit en fait commun à tous, quel que soit votre genre et vos goûts. On utilise tous du gel douche. Donc voilà, vous avez les gels douche de chacun. Est-ce que vous avez regardé là, vous, cher dueliste, les petites photos? Oui, j'ai regardé, ça c'est trop mignon. En ce moment. Vous voyez de qui il s'agit du coup? Oui. Mais attends, pourquoi il y a autant de photos? Il y en a 5. Bah, c'est la chèvre qui voulait participer là. Il y a une petite chèvre qui voulait elle aussi concourir. Non, j'ai glissé ma photo. Ben, je me disais aussi, mais vous ressemblez un peu, non? Avec la chèvre. Non, moi je pensais que c'était la même personne, la première ah. photo et la troisième. Enfin, la quatrième. Ouais. Parce que bon, cheveux c'est... blonds avec un petit palmier et là, les deux petites couettes. Enfin, je sais pas. Ouais, j'avoue. Mais non, nous ne sommes pas liés par l'ADN en tout cas. Ou alors, nous ne sommes pas au courant en tout cas avec Léa. Voilà, du coup, et ensuite on a le gel douche, chers auditeurs. Si vous souhaitez deviner, n'hésitez pas en commentaire et puis comme ça, je révélerai demain à qui. J'adore l'expression de détresse du visage de Louis sur sa photo. C'est clair. Louis, qu'est-ce qui s'est passé lui, ce jour-là? C'est vrai. Ah, on t'a pas bien entendu? J'ai dit, mes sœurs avaient décidé de m'enterrer ce jour-là. Ah oh là là. Et tu étais consentant? Non, pas vraiment. Ça se voit. Ni pour l'enterrement, ni pour la photo, j'imagine. C'est ça. Oh là là. Alors, il y a Astrée qui s'exprime. Bravo à l'équipe gagnante. De toute façon, j'avais voté pour vous. Ouais, voilà, c'est ça. Ah là là là là. Les couilles. Ouais, félicitations. Oh là là. Ça dérape. Heureusement qu'on s'arrête. En plus, si je puis me permettre, c'est pas tout à fait l'expression consacrée. Enfin, moi, je l'avais pas entendu cette expression-là, mais bon, c'est une interprétation. C'est une boutade. Du coup, bravo, bravo. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir animé cette émission spéciale pour la journée internationale de la beauté. Ça fait un moment qu'on en parle et que je vous demande plusieurs anecdotes ou informations. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir joué le jeu. C'était un plaisir d'échanger sur tout ça avec un nouveau format. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça rigolo, ce format-ci. Ouais, très cool. Ouais. Tout était un peu différent. Je t'ai pas invité sur ton émission, c'était super. Bah merci. Louis, est-ce que tu te souviens, enfin, tu trouves que c'est mieux d'être en équipe comme ça ou l'un contre l'autre? Peut-être qu'on s'exprime plus, enfin, équipe, je sais pas. Ça permet plus le débat, je trouve. Ah ouais, ok. Bah, bon à savoir. Cri-cri s'exprime et puis après, bien sûr, on aura la chanson finale en russe cette fois-ci de Daria. Cri-cri. Bravo aux deux équipes, vous êtes très très bien battus. C'est un combat quand même. Mais vous avez plus de facilité, nous on a galéré comme des... Voilà. Bon bah, oui, non. Je compte sur vous pour, en tout cas, je compte sur vous pour coécrire ce poème ou pourquoi pas qu'il soit écrit par Steven, chanté par Dorothea. Je ne sais pas comment vous voulez répartir le travail, mais il faut que vous fassiez tous les deux un poème d'au moins 5 vers qui rime en hommage au Hello Carré. Je peux compter sur vous pour ça. Ok, d'accord. Il faut remplir les vers ou pas? Comment? Il faut remplir les vers ou pas? Parce que c'est 5 vers. Tu fais une blague avec les vers, ah, les vers de vaisselle? C'est ou... déjà bien trop tard, ouais, il est 23h, je suis désolée. J'étais en train de me dire que j'avais peut-être pas tout le jargon de la poésie, tu vois. Mais non, c'est pas non, ça. Non. Donc tu as dit 5 vers et 4... 5 vers minimum et il faut des rimes. Voilà. Ah, il faut des rimes, c'est tout, ok. Voilà, c'est ça. Et c'est en hommage à audio adverse. Alors, Astrée s'exprime. Ouais, franchement, c'était très, très cool, original, et c'est marrant de faire s'affronter deux équipes carrément. Après, du coup, c'est plus long, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que ce serait mieux de se limiter à deux réponses, ou alors quand il y a quatre réponses, que ce soit vraiment des réponses courtes. Comme ça, on comprend mieux, il y a moins besoin de répéter. Enfin, c'est pas grave, mais je pense que c'est plus pratique. Et puis en plus, il y a des gens qui réfléchissent, c'est chiant. On préfère la technique pile ou fast de Juliette. Juliette est géniale. Juliette est géniale. Elle répond parfois avant même que la question soit posée, et ça, c'est fort. C'est on vrai. Peut pas lui enlever. C'est vrai, incroyable. Boule de cristal. Ouais, grave. T'as raison, Astrée. Si je refais ce format-là, faut que les réponses soient plus courtes parce que, ouais, en termes de compréhension, vu que vous n'avez pas les réponses écrites, c'est un peu dommage. Dernier commentaire d'Astrée et après, c'est ta Dorothea. Moi, j'approuve totalement ce genre de blague, en tout cas. Bravo. Ah. Je me sens mieux. Ça fait plaisir. Voilà. On finit sur une touche positive pour l'équipe perdante. Bravo à Hello Carré. Bravo aussi, bien sûr, à Stéophéa. Merci pour votre participation. Et je propose qu'on coupe nos micros. Oui. Hop là. Toc. Я лежу на заброшенной улице, в переходах раздавленный сникер сам. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Сбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полочной лестнице. Но опять ничего не получится, мы расходимся бесполезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу свои минуточки. Мне всего полчаса и закончится, забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница, я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться, забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Мы едем на полной скорости в последнем свободном каршеринге, но мы, как и он, не свободны, и он, как и мы, кем-то сделаны. Нам машут помятыми ветками деревья на выезде из города. Они, как и мы, очень молоды, и нам, как и им, очень холодно. Мы едем на полной скорости и слушаем песни по радио. Они все такие обычные, тупые, однообразные. Ты куришь последние мятные и пьешь энергетик из трубочки, а я наблюдаю внимательно, влюбилась. Дурочка, когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики в темноте, обнимая букет желтых лютиков. Merci beaucoup d'avoir nous écouté. C'était une superbe soirée avec vous. Ah là là là là, c'est, là c'était ma préférée, c'était un rap russe en fait. Un petit peu, oui. Ouais. Magnifique. Ah. Trop bien, merci beaucoup. Bravo. En fait, ça doit être super difficile là, parce qu'en plus tu enchaînes directement sur un refrain assez aigu. Donc je suis impressionnée. Vraiment là, je crois que là de mes... Enfin, je ne sais pas pour vous, Léa, ouais. Steven et Louis, mais moi là, ça a été ma préférée des trois, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Ah, trop beau. Trop, trop cool. Astrée ? Ah ouais, franchement, c'est original. J'aime bien, enfin, j'ai bien aimé. Et surtout quand c'était plus aigu et tout, c'était stylé. Bon, vous le voyez, on n'est pas digne du jury The Voice pour faire une analyse précise. Mais franchement, ouais, déjà le russe directement, comme ça nous met un côté un peu exotique, c'est très sympa de t'entendre chanter en russe. Moi, j'aime vraiment bien. Ouais. Et là, toi, Léa, qui aime bien le rap, là, t'as pensé quoi ? Un rap russe, t'avais déjà écouté ? Bah, non, j'avais jamais écouté. Enfin, Angèle nous avait fait écouter quelques trucs. Mais non, moi, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que ça mélangeait plusieurs genres. C'était vraiment stylé. Enfin, ouais. J'ai eu trois styles un peu différents. Donc, c'était cool. Voilà. Eh bien, merci encore à tous les quatre. Merci Dorothea pour les chansons. Merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés en cette soirée spéciale pour la Journée internationale de la beauté. Merci beaucoup. Beauté imaginée. Merci à tous. Merci à très bientôt. À tout le monde. À bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Bonne nuit. Faites des bons rêves. Bonne nuit. Qui partira en premier ? Léa. C'est Léa. Bon, voilà. Bah d'accord, Léa. Bah, on voit que tu étais pressée de nous quitter. C'était un test super de points. C'est ça. Oh, super. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je m'y mette là. Et génial. Oui. Vous avez encore 24h54 pour m'envoyer ce poème. Pourquoi pas chanter, hein ? À vous de voir. Allez, très bonne soirée à tous. À bientôt. Très bonne soirée. Soyez sages. Merci, ciao, ciao. Beaucoup. Ciao.